c'est fou. 89.1. Écoutez-nous en direct sur le web. Vous êtes à cifou.ca. 89.1. Trois-Rivières. Vous êtes à cifou. À Trois-Rivières, c'est le 89.1. Le plan d'aujourd'hui, assemblage requis. David Ferron tendra l'oreille vers ses découvertes musicales dans le cadre de sa carte bleachée. Et Marie-Christine Perra tendra l'œil vers les arts visuels, leur gratin et vin gratuit. Assemblage requis commence tout de suite. Assemblage requis. Pour toi aujourd'hui. Assemblage requis. Oui, oui, oui, oui, oui. Assemblage requis. Pour toi aujourd'hui. Assemblage requis. Oui, oui, oui, oui, oui. Assemblage requis. Bonjour et bienvenue à Assemblage requis en ce mardi 1er novembre 2016, à 177 jours de la fin de l'année scolaire. Je m'appelle Mathieu Plante. Et moi, Tania Vaudin. Oui, on t'en dirait les studios des fois à Trois-Rivières. Tania, ça a pas l'air de filer ce matin. J'ai juste le rhume. Un petit rhume. Un petit rhume. On passe tellement de temps ensemble que c'est certain qu'à un moment donné, on va se chevaucher les rhumes. Ben, tu sais quoi, je pense que je suis en train de blâmer un de nos collègues David. Qui sera avec nous un petit peu plus tard. Oui, David Ferron est à blâmer pour bien des choses, entre autres rhume et une chronique musicale qui s'en vient plus tard. Oui. Avec nous à 8h30, c'est la carte bleachée. Donc, on va nous faire un petit survol de ce qu'il a découvert en termes de musique cette semaine. Exactement. À 9h, Marie-Christine Perra va être là pour la collecte d'art visuel gratin et vin gratuit. Elle parcourt toutes les places où on peut voir les affaires qui sont artistiques qu'à Trois-Rivières. Mm-hmm. Ça, c'est à 9h. Ta chronique s'en vient, même si tu commences à avoir un petit rhume, tu vas être capable de persévérer et nous offrir Tania Esgolin-Tchétainia plus tard. Ça devrait, totalement. Je vais vous parler de peur à cette journée du lendemain de l'Halloween. Lendemain de veille d'Halloween. Lendemain de veille d'Halloween, exactement. De sucre! Oui, boy. Et moi, dans quelques instants, je vais faire C'est un fait pour apprendre quelques affaires, parce qu'hier, on n'a pas fait C'est un fait, donc on va s'en reprendre aujourd'hui. Mm-hmm. Sinon, ça va être une belle émission de 2 heures ensemble. Oui. La première heure ne compte pas. Non. Qu'on vient de finir. Ah ben oui, c'est vrai. Le prérequis. Nous, on se rappelle même pas de ce qu'il y a dedans. Vous venez de vivre une heure de plus. Oui, c'est exact. Ça. Nous, on n'écoute pas ça. Voir, tu vois si on va s'écouter. On se gosse tellement. Non. On se gosse, ça n'a pas l'allure. Donc, on commence en musique avec une pièce d'Antoine Corriveau, nouvelle entrée du palmarès francophone. Voici Rendez-vous. Ça, c'est fou. 89.1 FM. Je ne serai pas au rendez-vous. L'endroit ne m'intéresse pas. Et une part de nous restera debout et ne bougera pas. Et une part de moi. En ligne longue et stressée, je suis fatigué. Tellement fatigué, c'est mon corps complet. C'est mon corps complet qui va s'arrêter. Assommé par le bruit des bêtes qui beuglent. Des faux exposés sous les néons qui m'aveuglent. Mais c'est que c'est une autre vie qui commence ici. Mais dites-moi, ce cimetière que vous fuyez, racontez-moi toutes ces bombes qui ont sauté. L'endroit ne m'intéresse pas. part de nous restera debout et ne bougera pas et ne perdra moi. Par vieil usé et habitué de l'éducation, sous verre au musée, sous interdiction de la déplacer. Qu'il faut prendre ces choses, qu'il faut teindre trop de lignes, de couleurs, de sexe, de douleur et l'impossibilité de tout emboîter. La chienne indomptée d'être compris à moitié, celle qu'on ne pourra jamais serrer et caresser pour la faire taire sans l'étouffer. Antoine Corriveau, rendez-vous. Une truc qu'on pourrait pas nécessairement mettre partout dans l'émission. Ouais. Non, pas mal au début de l'émission, c'est pas mal ça. Oui, exactement. Mais on a c'est trouvé ce qu'on était en train de déterminer. on a essayé d'autres chansons pendant la chanson pour plus tard. Puis on a trouvé une autre qui va aussi jouer à 7h30, mais demain. Parce qu'il y a des affaires calmes au Québec ces temps-ci. Oui, oui, oui, oui. Pas mal de gens à se plaindre. Mm-hmm. Bref. C'est le moment d'apprendre, et ça, ben, vous allez arrêter de vous plaindre, hein, parce qu'apprendre, c'est une bonne chose dans la vie. Oh oui. Il faut apprendre, voici, c'est un fait. Je vais te laisser la chanter toute seule à matin. Merci, t'as une petite voix. Des choses que tu sais pas, des choses que je sais pas, c'est un fait, c'est un fait. Des choses que tu sais pas, des choses que je sais pas, c'est un fait, c'est un fait. C'est un fait, c'est la collecte des choses véritables et vérifiables selon Internet. Les sources sont sur assemblagerequis.com. Commençons par l'Halloween qui vient de se terminer hier. Et les Américains ont dit qu'ils vont dépenser 8,4 milliards de dollars en Halloween cette année. Non. Ouais. Comme toutes les fêtes américaines, l'Halloween est évidemment une raison d'acheter des choses pour les Américains. Donc, entre les décorations, les costumes, que ce soit même un costume pour ton chien, des bonbons, des cartes de souhait, les Américains devraient dépenser un total de 8,4 milliards de dollars en préparation pour cet Halloween, selon la National Retail Federation et son sondage annuel qu'on a vu chez Fatherly sur Internet. C'est encore plus fou quand on considère que l'an dernier, les Américains ont dépensé 6,98 milliards, donc presque 7, et là on monte à 8,4. Ça pourrait être les plus hautes dépenses dans l'histoire de ce sondage-là. Ça fait 11 ans que ça existe. L'Américain moyen, on dit qu'ils vont dépenser environ, va dépenser 83 dollars en achat par rapport à l'Halloween. Donc ça, c'est par personne en moyenne. Dans un monde idéal, tu dépenserais, oui, ton 83 $ sur des bonbons, mais 67% des gens qu'on a sondés disaient aussi qu'ils allaient acheter des costumes pour eux-mêmes, leurs enfants et leurs animaux de compagnie. Ah, et oui. 70% des gens prévoient mettre de l'argent sur de nouvelles décorations. Quelque chose qui est très, très rare hein, au Québec, en tout cas ici à Trois-Rivières, là. Hier, je m'en retournais chez moi, puis ça se fait rare, les décorations d'Halloween. Oui, mais ceux qui se donnent, ils se donnent souvent beaucoup, beaucoup. Oui, ça dépend des quartiers, en vraiment. Fait. Vraiment. Ça dépend s'il y a des enfants qui vont passer. Oui. Bien sûr. Ensuite, on retourne en arrière un petit peu. OK, je te donne une petite devinette, OK? OK. Des enfants masqués qui vont de porte en porte, qui demandent des bonbons. Okay? Ben, Halloween. Des adultes déguisés pour des costume parties. OK. OK. Qu'est-ce que c'est? Tu l'as dit? L'Halloween. Mais non, mais t'as tort. pourquoi. Mais t'as tort. Non, c'était l'action de grâce à l'époque. Hein? Ça a l'air bizarre, hein? Ça a l'air de n'importe quoi. Mais avant la Deuxième Guerre mondiale, la journée de la dinde, c'était la journée où on se déguisait. Ben voyons, non? Ouais, comment est-ce que ça a pris ce détour-là? Selon mentalfloss.com et selon le livre de 1873, Old New England Traits, au début du 19e siècle, les résidents pauvres du Massachusetts commençaient à cogner aux portes la veille de l'action de grâce, demandant « Something for Thanksgiving ». Quelque chose pour l'action grâce. En blague, et pour faire une blague, les enfants plus riches ont commencé à se déguiser en vêtements de pauvres et à faire la même chose. C'est donc bien méchant. Ben oui. L'idée des costumes a donc est devenue populaire, et lorsque Abraham Lincoln a proclamé l'action de grâce comme une fête en 1863, les villes de Juneau en Alaska jusqu'à Tampa en Floride ont commencé à marquer la date avec des balles masquées. Le journal Tombstone Prospector, qui est déjà un drôle de nom pour un journal, Tombstone, comme une pierre tombale. Ouais. A noté que la gagnante du prix du meilleur costume en 1890, Miss Will Sneed, oui, une dame qui s'appelle Will, s'était déguisée en mine d'or. Donc, c'était son costume, nous dit-on, en 1890. Pour ne pas se faire battre, la ville de New York a amené ça au prochain niveau, hein, à la prochaine phase. On a commencé à faire une parade annuelle pour commémorer l'action de grâce et l'évacuation britannique de New York. Les immigrants, donc, faisaient une parodie des compagnies gens militaires en uniforme en faisant leur propre spectacle. Les gens de la classe travailliste sortaient des saloons et marchaient dans les rues en faisant battre leurs tambours et en sifflotant des instruments, peu importe qu'est-ce qu'ils faisaient. Ils s'appelaient les Fantastigals et se déguisaient en clowns, en politiciens, en vedettes comme Buffalo Bill à l'époque. Les enfants allaient dans les garde-robes de leurs parents pour participer à la parade. Les garçons paradaient en talons hauts et en robe de soirée, alors que les filles pouvaient arriver avec des grands manteaux de Prince Albert. Voyant une opportunité d'affaires, les magasins ont commencé à vendre des masques de papier mâché avant cette fête. Les enfants se promenaient dans les rues le matin de l'Action de grâce, faisant sonner les sonnettes et demandant aux étrangers « Est-ce que vous avez quelque chose pour l'Action de grâce? » Tellement d'enfants étaient vus avec des vêtements de pauvres et des visages foncés, genre on faisait du blackface à l'époque, c'était bien normal. À l'Action de grâce, que dans les années 1900, on commençait à appeler ça la journée Ragamuffin. Oh, Ragamuffin Day. Donc, les Fantasticals dont on vient de parler sont morts vers le début du 20e siècle, mais les masques d'action de grâce étaient très populaires quand même. La pratique de faire sonner des sonnettes et demander des bonbons, ce qu'on appelle du backsheesh, n'était plus une blague, selon le New York Times en 1903. Il disait une innovation étrangère. Lit-on dans le livre de 1909, Sons of Daniel Boone. Aucun Américain qui se respecte penserait à parader dans les rues habillé comme un ragamuffin et suppliant donc de l'argent des passants. Les New-Yorkais sadiques lançaient des pièces de monnaie qu'on avait réchauffées dans le four, sur le poêle. Hmm. On appelait ça des red pennies. On lançait ça dans les rues et on riait alors que les enfants se brûlaient les doigts. Ah, oh, oui. Ouais. Les Red Pennies n'ont pas réussi à arrêter les Ragamuffins, mais la Grande Dépression a réussi. Tout le monde s'était vidé les poches d'ici 1930, et la question « Est-ce que vous avez quelque chose pour l'action de grâce ?» recevait comme réponse souvent un non. À la demande du superintendant des écoles de New York, les organisations qui organisaient des concours de costumes et des parades décourageaient les gens de faire du porte-à-porte. Et ça a fonctionné. L'action de grâce est redevenue une fête orientée sur la famille, donc un souper, etc., etc. Et en 1950, les bonbons étaient passés à une autre journée qu'on appelait donc l'Halloween, et ça a laissé les Ragamuffins nostalgiques, même par rapport aux Red Pennies, parce que quelqu'un se rappelait dans un article du New York Times en 1931, je me rappelle comment j'avais des ampoules sur les doigts. On n'a plus de plaisir comme ça de nos jours. C'est vrai. Fini ça. Eh bien, belle petite histoire quand même. Oui. Merci Mental Floss. Maintenant, toujours grâce à Mental Floss, on peut regarder le premier film d'horreur de 1896. Hey boy! Le premier film d'horreur qui n'a pas l'air particulièrement épeurant de nos jours, mais en 1896, Le Manoir du Diable, sorti aux États-Unis sous le nom de The Haunted Castle, avait des effets spéciaux très à la fine pointe à ce moment-là. C'est un cinéaste français, Georges Méliès. Plusieurs films connus de Georges Méliès, dont Trip to the Moon. C'est un court-métrage qui tourne autour d'une chauve-souris qui devient le démon Mephistopheles. Oh. La trame sonore est comme une petite comptine bizarre, enlevant un petit peu d'horreur à la chose. Et en fait, même sur l'article, c'est apparemment de la très bonne musique. Mais il y a du plaisir, il y a des effets spéciaux du 19e siècle. Les premiers qu'on a vus sur film, d'ailleurs, les gens apparaissent et disparaissent dans des nuages de fumée à la Ma sorcière bien-aimée. Oui, vraiment. Ouais, et les chauves-souris deviennent des humains. Et du côté moins épeurant, il y a quelques hommes qui portent de drôles chapeaux. Et le démon pique les gens dans les fesses. On dirait vraiment plus une parodie que d'autres choses, là, présentement. Ouais, c'est ça. Ben je suis en train d'en écouter un extrait. On va écouter juste la trame sonore en décrivant peut-être ce qui se passe. On voit une chauve-souris qui vole dans un manoir. Évidemment, le titre est « Le manoir du diable ». Et, oups! Hey, c'est quand même bien fait. Devenu un humain. Oui. Lève son chapeau. Oui, bonjour. Il marche de bord à l'autre. Et là, il fait apparaître une marmite. Lance un sort à la marmite. Fait apparaître. Qu'est-ce qu'il fait apparaître? Oh, la fumée s'en va un jour. On sait pas, c'est là. Quelqu'un. Il y a tellement eu de fumée longtemps qu'on sait pas si c'est... ce que c'est supposé être. Oh, et là, du chaudron sort une autre personne. Et la personne se téléporte devant le chaudron. Moi, je pense que c'était juste pour essayer de faire le plus d'effets spéciaux possible. À la date, il n'y a pas grande histoire. Est-ce que la personne a rapetissé? Non, c'est pas ça. Non. Bref. C'était 3 minutes 20, on regardera pas au complet. C'est bien. La petite chanson est... elle est fun. Ben, tu sais, c'est... ouais, c'est ça. C'est ça, là. C'est ça, c'est basic un petit peu, c'est basic. Mais on s'attend à ça de 1896, mais pas à barre trop haute. Non, non. Ensuite... tu t'en as parlé récemment, je me rappelle pas, je crois que c'était pas en ondes, je crois que c'est dans la vraie vie de tous les jours, mais tu nous as parlé de citrouille bleutée, un peu un genre de bleu acier, qui va rendre l'Halloween un petit peu plus sécuritaire pour les enfants qui ont des allergies. Pour les enfants qui ont des allergies et pour leurs parents, passer l'Halloween, ça peut être très épeurant. Plusieurs bonbons contiennent des allergènes, évidemment, je pense qu'on n'a pas besoin de raconter les noix, les produits laitiers, les œufs, le soya et le blé. Et ça prend juste une petite trace pour avoir une réaction qui pourrait même menacer la vie de la personne. Et pour ajouter à l'horreur, les formats collations sont souvent sans liste d'ingrédients sur l'emballage. Ce qui me surprend que ça existe encore en 2016, des bonbons sans emballage. Mais bon, en forçant des familles à ne pas participer à l'Halloween. C'est peut-être pour ça qu'on a moins de décorations dans nos rues. Donc, il y a une organisation qui s'appelle Food Allergy Research and Education qui espère qu'en encourageant les maisons à peinturer leurs citrouilles acier, un genre de bleu acier, cette année, ben, ça pourrait changer les choses. Le Teal Pumpkin Project, qu'on pourrait trouver sur foodallergy.org, aimerait donc qu'on parle de ça, qu'on soit au courant des allergies alimentaires et rendre l'Halloween inclusive pour les 1 enfant, 100 enfants, pour les 1 enfant sur 13 qui sont affligés de ces symptômes, voilà. Donc, les maisonnés peuvent participer à l'initiative cette année en peinturant eux-mêmes leur citrouille bleue et en la plaçant devant leur maison, indiquant donc aux familles qui ont des allergies qu'ils donnent des bonbons sans allergènes ou des jouets à la place des bonbons. Ils peuvent donner des petites figurines, des trucs comme ça, parce que pour vrai, à l'Halloween, c'est pas obligé d'être tout le temps juste des bonbons. Je pense que c'est rendu ça avec le temps, c'est devenu ça, mais ça peut être d'autres choses aussi. Un porte-parole pour l'initiative recommande de ramasser peut-être des glow sticks, les trucs qui brillent dans le noir, des balles rebondissantes, ça fait longtemps que j'ai pas vu ça, des trucs pour faire des bulles, des toiles d'araignée en plastique, des autocollants, tout ça pour remplacer les bonbons pour ceux qui ont trop d'allergies. Lorsque le projet a été lancé en 2014, les citrouilles, un genre de bleu acier, étaient placées à l'extérieur des maisons dans 7 pays et dans les 50 États américains. En 2015, le nombre de pays participants a doublé et on peut participer à une promesse en ligne, un pledge comme on l'appelle, et partager vos citrouilles bleues sur les réseaux sociaux en utilisant le mot-clic hashtag TealPumpkinProject. C'est une très bonne idée, j'adore ça. Ensuite, on amène une nouvelle... on a fini avec les Halloween en passant. C'était mon petit bloc thématique d'Halloween. Je ne l'avais pas précisé, mais je pense que ça paraissait. Mais je pense que oui. Pas mal clair pour tout le monde. Je pense que j'avais compris. Moi, ils sont pas capables non plus. Hein. Ils sont pas capables. Allons-y donc avec une chaîne vidéo en ligne qui est faite pour endormir les téléspectateurs. Ah, oh, c'est dommage, méchant. C'est pas toute la télé qui est faite pour être vraiment attirante. Donc, en Norvège, le réseau de diffusion publique NRK a popularisé ce qu'on appelle la slow TV. On en parle une fois de temps en temps au Mathieu Planchot. Donc, c'est des activités mondaines comme tricoter, faire du train, pêcher, et tout ça pendant plusieurs heures, et on regarde ça, puis les gens aiment bien ça, ça les relaxe. Donc, selon The Guardian, maintenant, l'Espagne saute dans cette mode-là, lançant une nouvelle chaîne en ligne qui s'appelle Napflix, qui est faite pour vous endormir. Ça a été lancé la semaine passée, et ça a été cofondé par Victor Gutiérrez de Tena et Francesco Bonnet, qui travaillent en publicité. Sur leur site web, qui est fait pour ressembler à Netflix, les deux décrivent leur plateforme vidéo comme une source en ligne pour les gens qui... pour avoir une sélection de trucs endormants, pour relaxer votre cerveau et vous endormir facilement. Detella et Bonnet parcourent Internet pour trouver les choses les plus monotones possibles. Donc, des discours, des cours de physique de 2 heures, un poulet qui cuit sur une rôtisserie et republient ça sur leur chaîne. Étant donné que plusieurs choses différentes peuvent endormir différentes personnes, les créateurs de Netflix, oui, espéraient compiler une variété de types de vidéos dans différents styles comme les sports, l'éducation, la musique et les documentaires. Ils vont même des fois sélectionner des vidéos par rapport à la trame sonore. Peut-être que ça aurait pu être le petit film de tout à l'heure. Et contrairement à ces machines à son qui sont faites pour vous endormir, là, les machines de white noise ou de petits bruits d'eau, quelque chose comme ça, Netflix est gratuit. Et même si la chaîne ne vous fait pas dormir, ça pourrait quand même vous inspirer à peut-être avoir de l'intérêt pour les choses qui vous portent à déconnecter au moins de la vie de tous les jours. Voilà, donc une chaîne qui est sur Netflix.tv. Et si vous aimez les nouvelles de télévision, ben, je vous conseille d'écouter Television dans le Mathieu Plante Show les mercredis à 15h. Ensuite, qu'est-ce que le K veut dire dans le baseball pour pourquoi est-ce que le K veut dire strike out? C'est plus la question que je voudrais me demander. Je sais pas, honnêtement. Je me suis toujours posé la même question. Ouais. Si vous avez l'occasion d'aller à un match de baseball, des fois, vous allez voir les K qui vont s'accumuler. Les gens vont calculer les K, puis rendu à 7 K, par exemple, pour une équipe, il va y avoir des prix qui vont être donnés par l'organisation. Ça arrive souvent, que ce soit dans n'importe quelle ligue. Mais moi aussi, je me suis toujours demandé c'est pourquoi c'est un K. Bon, on va répondre à cette question-là, Tania. Merci, Mathieu. L'utilisation de la lettre K pour représenter le strikeout, qui, bien sûr, en français, c'est un... retrait. Donc, une des choses les plus connues au baseball. C'est un écrivain basé à Brooklyn, né en Grande-Bretagne, qui écrit pour le Long Island Star et le New York Clipper au milieu du 19e siècle, qui reçoit le crédit pour l'invention du box score. Donc, le box score, là... au baseball, évidemment, en français. Oui, là. Oui. Hein? Ben oui. On sait ce que c'est. Ben oui. C'est ça. Donc, c'est une de ses nombreuses contributions au jeu qui l'ont amené donc, dans le Hall of Fame de façon posthume. Le baseball, là, aux États-Unis, a été développé, bien sûr, avant la télé, avant la radio, même avant la photographie. Ce qui faisait que, donc, quand on parlait dans les journaux, c'était crucial. C'est ce qui a fait que le sport est devenu populaire, c'est parce qu'on en parlait dans les journaux. Chadwick n'était pas la première personne à avoir compilé le nombre de... de runs fait par inning. Inning, c'est des manches. Mm-hmm. Des runs, c'est des quoi, ça? Ça doit être des coups de circuit ou des points. Ouais, ça doit être ça. Mais donc, Baseball Magazine a déclaré en 1859 « The first baseball box score ever published ». Il est devenu connu comme le fondateur du système des scores du pointage moderne au baseball. Et plusieurs des raccourcis qu'il a développés pendant les décennies à venir font toujours partie du vocabulaire du baseball, dont le K. Même si le jour des cartes de score qui utilisaient des lignes pour indiquer différentes affaires, Chadwick a utilisé, lui, un S pour un single, D pour un double, etc. Donc, les lettres fitaient avec tout ça. Mais est-ce qu'il est arrivé pour faire un... out! Comment on appelle ça? Strikeout. Ouais. Donc, Chadwick avait besoin d'une abréviation pour ce qui était connu à l'époque comme struck three times. Oui. Et donc, ça faisait un out. Étant donné que le S était déjà pris par single, il est allé avec K, qui est la dernière lettre dans struck. C'est tout? C'est tout. C'est juste ça, la c'est raison? C'est juste ça. Ah, trois paragraphes pour ça. Exact. Donc, le K est pour struck à la fin. Et ça n'a rien à voir avec le strikeout, parce qu'on a changé de nom en cours de route. Mais ça donne bien qu'il y a un K dans strikeout aussi. Ben bon. Et des articles de même que j'aime ça. Ensuite, dans une librairie égyptienne, il y a une scream room qui permet aux gens, aux clients, de crier comme ils le veulent. OK. Est-ce que t'as déjà eu envie d'aller dans un garde-robe, fermer la porte et crier? Oui, mais pas nécessairement à la bibliothèque. Ben non, c'est ça. Donc, les propriétaires de Bab Aldonia, une librairie au Caire, en Égypte, savent comment vous vous sentez. En fait, selon Reuters UK, ils ont de l'empathie. Ils ont donc créé leur scream room où les gens peuvent entrer dans le noir. C'est une pièce à l'épreuve du son. Là. Le son ne sort pas et n'entre pas. C'est gratuit et on peut crier pendant jusqu'à 10 minutes. La pièce, à l'origine, était utilisée pour la pratique de la musique, mais un des propriétaires du magasin a suggéré de créer une utilisation alternative à Ali Radwan, qui était sa copropriétaire. À l'origine, Radwan a dit à CNN qu'elle trouvait que l'idée avait l'air folle, mais elle a fait un petit peu de recherche et elle a découvert que ça soulage de l'attention crier. C'est assez universel dans le monde. Par exemple, les cultures indigènes au Canada utilisaient les cris comme méthode de thérapie de l'humeur. Et au Japon, les marchands vendent des pots dans lesquels on peut crier, des shouting vases, donc des vases pour crier, qui empêchent le cri de sortir et tu peux faire sortir toi-même ta frustration. Donc, l'entreprise de Bab Aldonia a été un succès à la fin. Donc, il dit que c'est bien pour le stress de tout le monde. Les gens vont là et évacuent leurs problèmes quotidiens. Il y a quelques règles, les clients n'ont pas le droit d'amener leur téléphone dans la pièce et seulement une personne peut entrer à la fois. Par contre, le copropriétaire Abdel Rahman Saad a dit à Huffington Post Arabie que la pièce pour les cris, la chambre des cris est ouverte à tout le monde, peu importe leur background, donc leur vie en tant que telle. Présentement, les gens parle de ça en bon terme, on pourrait dire. Et puis, ils ont une bonne sélection de café et de livres. Donc, pourquoi ne pas lire un livre, se frustrer des choses de la vie, après ça, crier, ou encore crier, et après ça, lire un livre, je pense. Je pense que ce serait le meilleur ordre. Rien de moins. Rien de moins. Fallait voir un petit extrait des cris, entre autres, sur assemblagerequipe.com, mais je vous épargne ça ce matin. Ensuite, on parle de la méthode un petit peu difficile ou méchante même qu'une compagnie de films silencieux utilisait pour acheter des scripts. Donc, peut-être que vous venez d'apprendre que vous n'avez pas eu un emploi, peut-être que vous avez été rejeté pour un rendez-vous galant. La rejection, ça fait toujours mal. Il y a des gens qui préfèrent qu'on se le faire dire de façon dure, qui préfèrent qu'on les fasse tomber doucement et gentiment, non? Mais bref, c'est une liste à cocher vue par Open Culture et qui a été tweetée par Ted Goya qui montre, dans les années 1910, la compagnie SNA Film Manufacturing Company. C'est un studio de films silencieux derrière quelques films classiques, dont une série de comédies de Charlie Chaplin en 1915. Donc, à la place d'envoyer une lettre super gentille à chaque personne qui avait envoyé un texte, ils ont fait une liste à cocher de raisons pour lesquelles ça pourrait ne pas fonctionner. Donc, la liste est brutalement honnête. On va y aller avec la feuille avec des têtes d'Indiens en haut et la compagnie SNA. Et là, ça dit « Votre manuscrit a été retourné pour la raison cochée en dessous. » Donc, un, on a trop de script overstocked. Ouais. Deux, pas de situation dramatique assez forte. 3, un scénario faible. 4, pas de genre d'histoire. 5, une idée qui a déjà été faite. 6, ça passerait pas par le panel de censure, là, ceux qui censurent les films. 7, trop difficile à produire. 8, trop conventionnel. 9, pas intéressant. 10, pas humoristique. 11, pas original. Pas original, ça pourrait être la même chose que idée a déjà été faite. Je sais, hein? Mais bon. 12, pas assez d'action. 13, aucune adaptation désirée. Je sais pas si ça veut dire qu'on préférait ne pas l'adapter en pièce de théâtre ou en livre, peut-être. Quelque chose comme ça. 14, situation improbable. 15, pas de costume ou des histoires qui seraient désirées dans un environnement étranger. Je sais pas ce que ça veut dire. Ça dit « Stories with foreign settings desired ». Ah non, on désire une histoire qui se passerait dans un endroit étranger. Voilà. 16, illisible. Et 17, vol, kidnapping, meurtre, suicide. Et toutes les scènes de nature déplaisante devraient être éliminées. Mon Dieu. Oui, c'est SNA Film Manufacturing Company. Donc, de nos jours, comme dit l'article, les courriels sont très, très formels, mais à l'époque, on s'en faisait pas avec les détails, on cochait ça, puis next! Il laissait pas beaucoup de chance, hein? Non, SNA n'est pas resté longtemps par rapport à leur style de rejet. Après avoir fusionné avec 3 autres studios en 1918, ils ont été absorbés par Warner Brothers en 1925. Une machine peut fumer 10 cigarettes à la fois pour la science. Ah, ben oui, rien de moins. La plupart des centres de recherche ne permettent pas de fumer dans le laboratoire, mais le Weiss ou Weiss Institute à l'université Harvard est un petit peu différente. Les chercheurs là-bas ont construit un appareil qui peut fumer 10 cigarettes à la fois, selon Stat. La machine à fumer, décrite dans un papier récent dans Cell Systems, aide à avancer la recherche sur les façons que la cigarette et le vapotage peuvent affecter les poumons. Tu vois, j'ai réussi à traduire langue par poumon, mm-hmm. Par moi-même. On focus donc sur les maladies pulmonaires obstructrices qui souvent sont causées par la cigarette. La machine peut inspirer et expirer par un respirateur, imitant donc la façon que les gens font entrer de l'air et fument en même temps. Donc les gens font entrer de l'air et fument en même temps. Je connais rien là-dedans. Donc ça, c'est y a une puce qui contient des cellules, des plus petits passages des poumons, les bronchioles avec du mucus et les genres de poils qui font bouger le liquide et les particules, comme on les trouve dans un vrai poumon. Dans cette étude-là, les chercheurs ont mis des cellules de poumons mortes et des cellules en santé. Ils ont réussi à identifier 147 gènes dont les expressions différaient basées sur leur statut de maladie. Dans un autre test, ils ont utilisé les cigarettes de vapoteuse et les cigarettes électroniques dans la machine, montrant que la vapoteuse changeait la façon que ces poils-là bougeaient dans les cellules en santé du poumon. La machine à fumer va pas remplacer les études sur les poumons complètement, mais nous donne quand même une façon de tester les cigarettes sur des cellules humaines de poumons. Pendant la Deuxième Guerre mondiale, les compagnies de bonbons donnaient leur ration de sucre ont donné leur ration de sucre, oui, pour garder les Lifesavers en production pour que les petits bonbons puissent être partagés par les forces armées comme rappel de la vie à la maison. On a abandonné les rations de sucre de certaines compagnies pour continuer de faire les Lifesavers. Ah. On a dit qu'il n'y a pas eu de crime violent du tout à New York, la ville de New York, le 26 novembre 2012. C'était la première fois de l'histoire que ça arrivait, selon les historiens. 26 novembre. C'est une journée à inscrire au calendrier. Voilà. Lily Boomer, qui est née deux fois. Les docteurs l'ont enlevé, hein? Ouais. Les docteurs l'ont enlevé du ventre de sa mère pour. Ils l'ont remis dedans. C'est pour enlever une tumeur. Ah! Oh. Ils l'ont remis, en effet, à l'intérieur pendant quelques mois parce qu'il n'était pas prêt à sortir. Pas vrai? Lily Boomer, B-O-E-M. Ça se fait, ça. Ça se fait, apparemment. Intéressant. Habituellement, tu peux pas sentir les odeurs dans ta propre maison ou encore ton propre parfum parce que t'as un instinct de survie qui s'appelle l'adaptation olfactive, olfactory adaptation. Le cerveau cherche toujours des odeurs nouvelles, inhabituelles ou qui changent. C'est un signe de danger potentiel, donc ça ignore les odeurs que tu connais, qui te sont déjà familières. Ça a du sens? Ça a beaucoup de sens. Le chimiste Enik Brand croyait que tu pouvais distiller de l'or à partir d'urine humaine. Arc. Après avoir emmagasiné 1500 gallons de liquide et l'avoir fait bouillir, il a découvert le phosphore. Donc au moins, ça a eu une bonne... Yeah, à vous. Grâce à 1500 gallons de pipi. De pipi. C'est dégoûtant. Est-ce que tu connais Charles Boycott? Ça me dit quelque chose? Ben, le nom Boycott te dit sûrement quelque chose. Ça doit être le gars qui a inventé le boycott. Ben, en fait, c'est le gars qui a donné son nom au boycott. C'est un agent de terrain, donc il vendait des terrains anglais. Donc, il était d'Angleterre. Il était, tellement détesté par la communauté qu'il est devenu un verbe boycotter. Il était détesté, c'est un agent de vente de terrain. Peut-être es-tu curieuse à savoir pourquoi les élections américaines tombent un mardi? Ouais. Le jour des élections américaines est toujours un mardi parce que les fermiers en 1845 avaient souvent besoin d'une journée complète pour voyager par véhicule à chevaux. Ils allaient en campagne pour voter. Donc les fermiers quittaient le lundi, votaient le mardi et revenaient à temps pour le jour du marché qui était toujours le mercredi. Donc c'est pour ça que traditionnellement c'est le mardi et c'est resté parce que dans la vie, hein, pourquoi changer quelque chose? Conservateur. Voyons. Shakespeare. Tu connais Shakespeare? Oui. Le grand auteur qui a inventé les noms Miranda, Jessica et Olivia dans ses pièces. Ah ouais, je savais pas. Ouais, je savais pas moi non plus. Olivia, j'adore ce prénom-là. J'adore. C'est très beau. Ensuite, selon un psychologue de Harvard, les chiens, j'ai vu plusieurs articles qui disaient un petit peu le contraire ou disaient que c'était seulement des rumeurs et des suppositions, mais selon un psychologue à Harvard, les chiens rêvent probablement de leur propriétaire pendant qu'ils dorment. En fait, c'est une psychologue, elle ajoute, étant donné que les chiens sont généralement extrêmement attachés à leur propriétaire humain, c'est probable que votre chien rêve de votre visage, de votre odeur et de te plaire ou encore de te gosser, te déranger. Évidemment, on prend ça avec un grain de sel, elle a pas parlé aux chiens. Hein. Moi, j'aime les chiens. J'aime plus les que chats. Les chats. Oui. Bon, hein? On s'entend sûrement les affaires, mais je pas je me donnais le droit de le mentionner ce matin. Est-ce que tu aimes aussi Bill Gates? T'aimerais flatter, hein? T'aimerais ça? Ben, pas nécessairement le flatter, mais si lui peut m'écrire un chèque, j'aimerais bien. J'allais dire flatter son compte en banque. Flatter sa poche, je veux dire son portefeuille. Whoa! En 2013, Bill Gates, je me rappelle en avoir parlé à l'époque, mais en 2013, Bill Gates a admis que la commande CTRL-ALT-DELETE, CTRL-ALT-SUPPRIMER, était une erreur et que ça aurait dû être un seul bouton. J'avoue que je le comprends parce que Windows plante tellement souvent qu'un bouton serait même plus facile. Faut tout le temps que tu repartes l'ordi. C'est vrai. Tant qu'à faire, un bouton, ça aurait fait la job. Et un pin, je parle de l'arbre, un pin planté en 2004 en souvenir de l'ancien Beatle George Harrison. Cet arbre est mort après avoir été infesté par des... Non. Par des... motadines. Ben, c'est ça. Je l'avais tantôt. C'est des coccinelles. C'est des coccinelles? Ben, ouais, hein? Mathieu, quand tu parles d'une voiture qui porte ce nom... Je savais, non. Tu as tort! J'aime ça dire ça! Tu as tort, c'est un scarabée. Ben voyons, non. Ouais. Beatles, scarabée. OK, parce qu'il n'est pas écrit B-E-A. Non, mais tu comprends que le band, B-E-A-T-E-L-E, c'est un jeu de mots avec le rythme beat. Oui. Ça... Mais l'animal, c'est B-E-E-T-L-E. Mais c'est quoi d'abord coccinelle? Ladybug. Hein? C'est surprise, hein? Mais c'est parce que la forme de la voiture que tu appelles une Beatle, qu'on appelle une coccinelle en français...

Tania Tagag avec la pièce Center. On est en train de se dire soit elle a vraiment une voix grave, ouais, ou soit c'est elle qui fait les bruits. En arrière, on ne sait pas encore. Ouais. On enquête là-dessus. Ouais, on vous revient avec ça demain matin. De ton assemblage requis, au retour, Tania is gonna entertain ya. Blablabla. J'ai fait comme un genre de pause. Ouais, je sais, j'ai vu. Comme... ça fitait avec le... ouais. Blablabla. Un sondage requis. Pour toi aujourd'hui. Un sondage requis. Oui, oui, oui, oui, oui. Vous êtes assez fou pour l'écouter. Pour l'écouter. 89,9. Un sondage de qui? Oui, oui, oui, oui, oui. Un sondage de qui? Vous écoutez Assemblage Requis en ce mardi 1er novembre 2016 et Tania Baudin. Avec Mathieu Plante. Ainsi que novembre qui commence, ça veut dire qu'on a le quart de l'année scolaire à la fête. Non, mon Dieu, puis qu'il reste juste 2 mois avant 2017. Hey, ça se peut-tu pareil? La vie est belle. Ouais, c'est ça, faut voir le verre à moitié... plein. Plein? Ou voir, ça dépend de quel bord tu regardes. Ouais, c'est ça. Bref, c'est le moment, toi, tu vois toujours la vie en rose. Hi, oui? Ouais, non, mais okay. T'es toujours positive, t'es toujours de bonne humeur, même quand t'as le rhume, même quand t'es de mauvaise humeur, t'es de bonne humeur. Ouais, ok, c'est vrai. T'es positive. Ah, oh, merci. Ça apporte une bonne énergie dans la vie. Oh, c'est si gentil. Donc voici Tania is gonna entertain ya. Je te dois-tu de l'argent? Non. Mais tu m'as même pas de la bonne énergie comme dans la station de radio, parce que ça, j'en prendrais. C'était une petite Tania qui voulait être pour des médias. Fait qu'elle est allée à l'école et puis maintenant à l'école, c'est Tania! And she's gonna entertain ya. Je peux plus faire des voix hautes de même quand j'aurai le rhume parce que tu vas me l'avoir donné, parce que David Ferron va te l'avoir donné. C'est vrai. And she's gonna entertain ya. David qui vient de passer justement en studio tantôt pour nous donner un autre restant de rhume, j'imagine. C'est vrai. Bref. De quoi tu nous parles aujourd'hui, Tania? Mathieu, je vais vous parler de la peur. Est-ce que toi, t'es un gars qui facilement a peur des choses? Oui, en effet, je suis très, très pissou. Et en plus, des fois, je suis comme... c'est facile de me faire sursauter. OK, OK. Je sais pas si je suis scénaire. Donc, tu dois pas être un grand amateur de films d'horreur? Pas tant, non. Mais si je te disais que si tu regardais des films d'horreur... ça pourrait t'aider à perdre du poids. Ah ben, Colin, dis-moi en plus. Mais oui, en fait, c'est j'ai décidé de te parler de la peur ce matin parce que je suis tombée sur un article assez loufoque de la chaîne ZTélé, ou du site ZTélé, en fait, parce que c'était un article qui a été posté sur Internet. Et ça expliquait, en fait, pardon, que si vous écoutez 90 minutes de films d'horreur, bien, ça pourrait éliminer autant d'énergie que de marcher pendant une demi-heure. Wow! Donc, la peur serait en théorie une bonne chose, mais on ne le sait pas encore. Je vous explique, l'article dit « Si jamais votre tour de taille explosif vous fait regretter d'avoir trop mangé de bonbons à l'Halloween, sachez qu'un autre des divertissements traditionnels de la fête des morts pourrait bien vous aider à brûler vos calories en trop. » Selon une étude qui a été menée à l'Université de Westminster, comme je le disais, passer 90 minutes à regarder des films d'épouvante, des films d'horreur qui font vraiment peur, éliminerait autant d'énergie alimentaire que marcher pendant une demi-heure. Le phénomène est dû, en fait, aux décharges d'adrénaline qui est occasionnée par la peur, comme à chaque fois qu'on a une petite frousse, comme on dit, et qui augmente le métabolisme basal, et ça fait en sorte que ça coupe la faim. Mmh. Donc, on vous garantit pas cependant que ça va rien faire à votre santé cardiovasculaire, par exemple. Surtout que, tu sais, une bonne petite peur, ça pourrait faire monter votre tension artérielle bien comme il faut. Mais les films les plus efficaces en termes de calories brûlées à la suite de l'étude qui a été menée à Westminster, selon les résultats, eh bien, c'est The Shining, Jaws, ouais. L'Exorciste et Alien and the Saw. C'est drôle parce que je pensais que ça allait être des films qui étaient beaucoup plus épouvants. Ouais, j'avoue. Donc, c'est l'article qui m'a donné comme l'idée de faire ma chronique sur la peur. Et j'ai décidé de vous parler, entre autres, de la peur, mais de ce qu'elle fait sur le cerveau. Et aussi ce qu'elle fait sur l'organisme. Parce qu'on vient de dire que si on passait 90 minutes à écouter un film, ça pourrait quasiment être une demi-heure de marche. Donc, c'est moi, une bonne chose. Moi, je pensais que ça allait être que tu allais perdre du poids parce qu'en ayant peur, tu allais comme renverser ton popcorn plein de beurre. Ah, aussi, ça dépend. Ça ouais. pourrait te faire perdre du poids, ça aussi. Vu comme ça, mais si t'écoutes un film, pas de popcorn, t'es fait. Ah, ben là, c'est plate. Tu comprends? Ouais. Donc, la perp, je pense que hein, vous savez pas mal tous qu'est-ce que c'est. C'est une émotion qui est ressentie généralement en présence d'un danger ou encore d'une menace. Et quelles sont les peurs communes qui, selon toi, engendrent bien souvent cette fameuse peur-là? Les sortes de peurs, genre ouais. Les araignées. Oui. Oui. Mais il y en a vraiment beaucoup. Ouais. Entre autres, il y en a plusieurs, mais je vais vous en nommer quelques-unes. Les fantômes. Ah. L'existence des pouvoirs maléfiques. Tu viens de dire les araignées, c'est, au moins, c'est comme la troisième. Ouais, c'est ça, ouais. Les serpents. Ouais. Les hauteurs. Ouais. Pour certains, l'eau et l'océan. Ah ouais. Ce sont de grandes peurs. Les espaces qui sont restreints, les tunnels, les ponts, oui, exactement. Les aiguilles aussi rentreraient là-dedans. Mmh. Les orages, ouais. Les évaluations, ah. Tu sais, comme les examens, puis okay. tout ça. Les discours publics, ouais. Donc, tu sais, tout ce qui fait en sorte que tu peux avoir une petite sueur dans le front. Si vous êtes comme moi, c'est clair que si vous avez peur à rien, vous avez... pas souvent écouter des films d'horreur, ouais. Ou si vous écoutez des films d'horreur, vous le pensez pendant comme un mois. c'est à votre guise. Mais souvent, c'est parce qu'on n'a pas nécessairement essayé. Je me rappelle pas d'avoir essayé les films d'horreur. Peut-être que j'aimerais la sensation d'avoir peur. Ben, j'aime ça. T'sais, tu vois, sur le coup, j'aime quand même écouter un film d'horreur. C'est tout ce qui vient par après. Ah, c'est tout ce qui fonctionne rêve, dans ton cerveau. Ouais. Là. Tu sais, quand tu dors dans le sous-sol et qu'il fait noir. Tout ça, là, ça fait en sorte que je suis une poule mouillée. Ouais, on s'en fait là-dessus. Donc, il y a certains psychologues comme John B. Watson et Paul Ekman qui disent que la peur est créée par un flux d'émotions qui viendrait engendrer, pas nécessairement engendrer, mais qui comprendrait en fait la joie, la tristesse et la colère en même temps. Donc, la peur serait comme une motte de toutes ces émotions-là ensemble. Et c'est ce qui ferait que, ou à un certain moment, on a comme justement ce petit sentiment d'avoir du plaisir en ayant peur. Ouais. Ou qu'on a le goût de pleurer, ou encore qu'on est fâché d'avoir eu peur, qu'on est fâché de la situation. Et c'est vraiment, c'est drôle parce que moi, je pensais que la peur, tu sais, c'était une émotion bien à elle, mais c'est vraiment, selon eux, un flux d'émotions qui est engendré par ces trois sortes de grosses émotions-là. Ce serait un excellent slogan pour une chaîne de télé qui passerait des films d'horreur, un vrai flux d'émotions. Tu vas faire une petite marque dans ta culotte. C'est vrai! Ouais. Hey, t'as raison! Mais bon, je suis pas sûre que ça serait non, winner. C'est pas vendeur, comment ça s'appelait? Tu sais, t'avais Série Plus, puis t'avais l'autre là, qui était plus horreur un petit peu. Là. Horreur? Ah. Oui. Ce qui est devenu Addict TV, là? Oui, exact, Addict TV. C'était comment ça s'appelait avant, ça? Je me souviens plus, mais me semble, tu sais, ça avait plus une connotation de peur, justement. C'était toutes des émissions qui faisaient un petit peu peur. Plus que Série Plus, en fait. Ah, c'était Mystère. Alors. Mystère, voilà. Donc, c'était flat comme nom. Ouais, comme nom de chaîne, Mystère, on va se le dire. T'as bien raison. Je voulais parler, en fait, de la variante de peur, parce qu'en théorie, il pourrait y exister plusieurs variantes de peur. Donc, la peur est grandement classifiée en deux types, la peur externe et la peur interne. La peur externe, c'est une peur qui est extérieure. Donc, l'individu est motivé à éviter quelque chose. Si, exemple, vous écoutez un film d'horreur, puis qu'il y a un esprit dans le film d'horreur, bien, c'est extérieur, vous comprenez? Et si vous êtes plutôt du type peur intérieure, bien, c'est une peur qui est connectée à une émotion souvent négative. Par exemple, le manque de confiance en soi, la sous-estimation de soi, qui revient un petit peu à la même chose. Ça va souvent revenir à ça parce que vous allez vous dire qu'il y a une peur qui est engendrée à quelque chose que vous avez mal fait ou quelque chose que vous n'aimez pas en particulier. Donc, automatiquement, ça vient un petit peu avec la confiance. Et ça, c'est vraiment la peur intérieure parce que vous allez vous dire que vous n'êtes pas capable de faire quelque chose à la suite de tout ça. Il y en a qui ont peur de la mort, il y en a qui ont peur de l'inconnu, tout ça. Ça, c'est beaucoup plus intérieur. Donc, t'sais, on comprend qu'est-ce que la peur en général. Ça va bien, oui. Mais sur le cerveau, qu'est-ce que ça fait exactement? D'un point de vue psychologique, quand on parle de la peur, on pourrait penser aussi à l'anxiété, à l'angoisse, mais c'est vraiment trois réalités bien différentes. Elles se ressemblent beaucoup parce qu'on s'entend qu'on parle de neurologie, on parle de tout ce qui se passe comme émotion plutôt négative en nous quand on parle de ces trois-là. Par contre, la peur, c'est une émotion qui est forte, qui est intense force et qui est éprouvée en présence d'une menace réelle ou immédiate. Comme si, par exemple, vous écoutez un film d'horreur, ben, ça va être immédiat, ça ne sera pas réel. Là, on s'entend, il n'y a pas le fantôme qui va sortir de... tu sais, vous comprenez? Ah, c'est ça. C'est pas réel. Ça, non, c'est ça, exactement. Mais elle est immédiate parce que vous avez peur sur le coup. Elle est origine d'un système qui détecte les dangers et ça produit des réponses qui augmentent nos chances de survie face à cette situation-là qui est dangereuse. Donc, si vous êtes en train d'écouter un film d'horreur, par exemple, et que vous êtes du genre à parler beaucoup, si vous écoutez ce type de film-là, bien, vous allez peut-être avoir une réaction du style « Ben voyons, pourquoi tu fais ça? » Ou « Tasse-toi de là, reste pas là. » c'est ça. C'est le genre de situation dangereuse dans lequel vous aimeriez pas vous retrouver. Donc, automatiquement, vous pensez à ce que vous auriez peut-être fait si ça avait été vous à la place du personnage principal. C'est souvent comme ça qu'on va aller chercher les gens qui vont écouter les films d'horreur aussi. C'est qu'on sait très bien que quelqu'un, je sais pas moi, fait intrusion dans votre maison, vous allez pas nécessairement courir après, là, comme la plupart dans les films d'horreur. Mais bon, la peur, ça met en branle une séquence comportementale qui est défensive. Donc, tout ce que vous allez faire lorsque vous allez avoir peur, ça va être une défense pour vous-même. Ce qui est quand même assez différent de, par exemple, la joie ou la tristesse, parce que la tristesse, ça sera pas nécessairement pour vous défendre, ça va vraiment juste pour extérioriser à un certain point ce que vous ressentez, tandis que la peur, c'est vraiment comme une défense brute par rapport à un danger X, parce que là, je fais des guillemets en plus, parce que c'est pas nécessairement tout le temps un danger. Tu sais, une araignée, on le sait, c'est pas un danger, là, c'est juste, c'est dégueulasse. Mmh. Puis tout le monde a peur que ça saute dessus, là, mais... donc, de ce côté-là, c'est vraiment un comportement défensif comparé à certaines autres émotions. Donc, chez l'être humain, elle peut aussi surgir à la pensée d'un danger potentiel. Donc, par exemple, les principales voies nerveuses qui est à l'origine de cette réaction défensive-là sont connues aussi comme les circuits du cœur de ce système d'alarme-là, mais dans notre cerveau. Donc, on a une réaction assez intense dans le cerveau lorsqu'on a une peur, et c'est souvent ça qui va engendrer ce fameux côté défensif-là, c'est que nos neurones vont dire « Oh, attends une minute, t'aimes pas ça, il faut qu'on réattaque, il faut qu'on se défende par rapport à ça. » Donc, que ce soit une vraie peur, une peur qui vous arrive, je sais pas moi, un accident ou quoi que ce soit, ou vous voyez un accident ou vous avez passé proche de faire un accident, mais cette fameuse peur-là, ça va être une réaction qui va être engendrée dans votre cerveau. Puis, même chose pour le film d'horreur, par exemple, mais elle sera pas réelle. Donc, c'est la différence un petit peu. Tandis que l'anxiété, parce qu'on parlait que c'est quand même assez ressemblable, mais c'est quand même assez distinct comme sentiment. L'anxiété, par exemple, c'est une émotion qui est vague, mais qui est déplaisante en continu. Comment je pourrais expliquer ça? Ce qui traduit, par exemple, de l'appréhension, de la détresse, une crainte qui est diffuse, qui n'a pas nécessairement de dominateur commun à un certain point. C'est vraiment tout le temps constant comparément à la peur. C'est vraiment un sentiment qui est déplaisant d'une émotion où tu sais pas trop comment tu te sens comparé à la peur. Quand on disait que justement la peur, c'est une émotion qui est forte, qui est intense et qui est surtout éprouvée en présence d'une menace. Donc ça prend une menace X pour avoir peur. Tandis que l'anxiété, c'est toujours pas mal là. C'est toujours souvent par rapport à comment toi tu te sens aussi, par rapport émotionnellement. Donc de ce côté-là, c'est quand même assez différent. Si on y va du côté de la peur sur l'organisme, on a parlé que ça pouvait, si vous écoutez un film d'horreur, vous faire perdre du poids. Mais il y a d'autres choses aussi qui vont arriver dans votre corps si jamais vous avez peur. Donc, du côté de l'organisme, qu'est-ce qui se passe lorsque vous avez une bonne frousse, ou soit en écoutant un film d'horreur, ou soit, je sais pas moi, dans la vie de tous les jours? Bien, automatiquement, il va y avoir une augmentation du rythme cardiaque. Donc, le premier symptôme de la peur, c'est une accélération du rythme cardiaque, qui est aussi connu sous le nom de la tachycardie. Pour démontrer ce phénomène-là, il y a des expériences qui ont été faites. Il y en a d'ailleurs qui ont été présentées à plusieurs sujets dans des extraits cinématographiques d'horreur et où on a justement mesuré le rythme cardiaque de certaines personnes qui étaient dans la salle grâce à des électrocardiogrammes. Et après l'analyse de ces fameux résultats-là, bien, ils ont conclu que le rythme cardiaque augmente brusquement lorsqu'on a peur. Donc, c'est pas quelque chose qui va être très, très... je veux pas dire en pente, mais en grade. Mm-hmm. C'est vraiment, c'est automatique, ça se passe d'un coup sec et c'est comme ça qu'on est capable aussi de réaliser qu'on a peur. C'est que tu vas pas... oui, tu sais, tu vas avoir une petite augmentation de ton rythme cardiaque, mais le gros coup, c'est quand que tu vas avoir cette grosse frousse-là aussi. Donc, l'augmentation du rythme cardiaque va souvent s'accompagner d'une augmentation de la pression artérielle et la dilatation des artères. Et c'est des phénomènes qui vont permettre au sang de circuler beaucoup plus vite et beaucoup plus fort, entre autres vers le cerveau, les poumons et les muscles. Donc, le corps est quand même prêt à fournir un effort supplémentaire au corps, comme par exemple une fuite éventuelle ou à se défendre. Cette fameuse adrénaline-là, souvent, elle va être engendrée justement à cause de l'augmentation de la pression artérielle, de la dilatation des artères, parce que vous allez avoir justement ce flux sanguin-là qui va être beaucoup plus rapide qu'à l'habitude et vous allez être capable de faire quelque chose que vous n'êtes pas nécessairement capable de faire si vous n'avez pas ce petit oomph-là de peur ou d'adrénaline, justement. Il va y avoir aussi l'hyperventilation pour certaines personnes qui va arriver si jamais vous avez peur. Le deuxième effet, c'est que justement une augmentation du débit ventilatoire. Donc c'est l'effet physiologique qui est dû à l'hyperventilation, c'est les bronches des poumons qui vont se dilater afin d'augmenter la concentration du sang en oxygène. Donc, on disait que cette fameuse adrénaline-là va vous amener une espèce de force supérieure. On en a aussi discuté hier. Avec Alassania. Exactement. Et c'est justement à cause de ça, c'est parce que vous prenez beaucoup plus d'oxygène que vous en aviez habituellement besoin parce que vous vous sentez en danger. Donc, le processus permet de préparer un effort supplémentaire, de fournir surtout à tout ce qui votre corps en oxygène, un effort supplémentaire et de subvenir aux besoins des muscles avec toujours pour but de soit fuir de ce fameux danger ou monstre ou peu importe là et de vous combattre, de pouvoir vous battre par rapport à quelque chose. Par la suite, vous avez la redirection des flux sanguins, le sang. Vous avez, lorsque vous allez être effrayé, quand vous allez avoir peur, il va y avoir un autre effet qui est physiologique sur l'organisme, qui est la redirection des flux sanguins du système digestif vers les muscles, les poumons ou le cerveau. Donc, tout le temps dans l'optique de soit vous battre par rapport à cette peur-là, ce danger-là, ou encore de fuir, il est quand même assez important que le corps soit prêt à tout ça. Et grâce à la redirection des flux sanguins, les muscles, le cerveau, le corps sont suralimentés en oxygène et en glycogène, ce qui fait en sorte que justement vous avez cette force-là et cette capacité-là à vous dire « OK, là, soit je le frappe, soit je m'en vais, mais je cours là. » Ouais. Ça se passe tout de suite. Et vous avez aussi la dilatation de la pupille qui va se passer dans votre organisme lorsque vous allez avoir peur. C'est d'observer, en fait, une diminution du diamètre de la pupille. On sait que si le diamètre de la pupille est réduit, ça veut dire que le cristallin de l'œil est bombé. Et le cristallin se bombe seulement lorsque l'œil est en vision de loin. D'essayer de voir plus loin. Donc, l'acuité visuelle est aussi augmentée et la vision est beaucoup plus précise à ce moment-là. Et par conséquent, grâce à cette diminution-là du diamètre de la pupille, on est prêt à apercevoir un danger immédiat où, tu sais, souvent, on va dire, les super-héros, ils voient le danger arriver. Ouais. Et c'est un petit peu la même chose qui arrive quand vous avez la dilatation de la pupille, c'est que vous êtes capable de voir un petit peu plus loin. Donc, vous allez peut-être avoir ce réflexe-là de réfléchir qu'il peut y arriver des choses beaucoup plus rapidement que ce que vous penseriez si vous n'aviez pas peur à ce moment-là. Ça serait un bon costume de super-héros pour Halloween, ça. Oui, je sais. Le gars qui prévoit un petit peu parce qu'il n'est pas sûr, mais il dilate la dilatation des pupilles. Puis... Ouais. Man! Et tout à l'heure, bien, je parlais de l'adrénaline. Quand vous allez regarder, par exemple, une scène de film d'horreur, le suspense va créer une angoisse, ça va créer un stress et une peur assez extrême qui va causer la sécrétion de l'adrénaline. Donc, l'adrénaline ou l'épinéphrine, c'est une hormone qui est sécrétée par les glandes surrénales et elle est libérée dans le sang essentiellement en cas d'émotions intenses comme par exemple la peur, la colère, le stress. Ce sont les émotions dans lesquelles on retrouve l'adrénaline et grâce à tous les effets que la peur a sur votre organisme, bien vous allez arriver à avoir cette fameuse adrénaline-là, à soit justement pouvoir affronter votre peur ou encore à fuir votre peur, comme je le disais tout à l'heure. Et en conclusion, bien c'est une situation de danger qui est vérifiée, identifiée et par l'intermédiaire du système nerveux, la sécrétion de l'adrénaline par les glandes surrénales, vous allez bien souvent avoir cette fameuse capacité-là à combattre votre danger, que ce soit d'y aller en attaque ou que ce soit d'y aller en courant. Donc, c'est vous qui choisissez ce que vous voulez faire. Ça, c'est sur tout le monde, là, parce que t'arrêtes pas de parler des glandes surrénales, mais c'est aussi les glandes surjunettes. Oui. C'est pas juste surrénal. C'est sur tout le monde. Exactement. Quel mauvais gag. Ah, oh, non, mais c'est pas bien grave. Puis, vous allez aussi avoir, à certains moments, le cri. Si vous avez peur, bien vous allez devoir extérioriser cette fameuse peur-là. Donc, le cri va être bien souvent un des effets assez instinctif de la peur. Ça prend par surprise. Surtout en écoutant des films d'horreur. Ce qui est fun, c'est quand quelqu'un a peur et crie, mais c'est le cri de la personne qui me fait peur, moi. Ah oui. Peurant, mais ça. Si tu vas bon au cinéma, cri, par exemple, ouais, bien souvent, tu vas crier parce que la personne à côté de toi a crié. Ouais. C'est quoi? C'était hier dans son fils palmarès, je pense qu'on a entendu la femme qui criait. C'était un record Guinness d'Halloween. Le cri à quelques décibels d'un jet. Exactement. Ça fait peur. C'était ma chronique. Hey. On parle de la peur. Oui. Ça fait peur. Ça prend par surprise comme fin de chronique, ça? Je sais, hein. C'était parfait. Merci. Merci, Tania. Ça fait plaisir. Parle de la peur. On va arrêter de parler de peur puis d'Halloween éventuellement. Là, c'est pas mal la dernière journée, je pense, pour ça. Ouais, le contenu d'Halloween est passé. Ça va? Mm-hmm. Sauf pour la prochaine chronique avec David Ferron. Des Pourquoi? Fois. T'as-tu peur? Non. J'ai peur de ce qui pourrait m'arriver si je l'insulte. Ah, ouais, c'est ça. Faites attention. À propos, au retour, David Ferron et sa chronique La carte bleachée. Assemblage requis en ce mardi 1er novembre 2016, elle est Tania Baudin. Et Mathieu Plante. Dans quelques minutes, on va accueillir David Ferron et sa collègue La Carte Beachée. Donne-nous donc envie de rester à l'écoute, David. Qu'est-ce qui s'en vient? Salut. Allô. Ça va bien? Oui, toi. Oui, merci. Mathieu qui est toute blasée. Non, Tania qui me dit même pas salut. Pour l'instant. Tu m'as donné le rhume. Ouais, mon. Tu mérites pas mon salut. On se dira salut quand tu seras rendu dans ta chronique. Ouais, dis-nous t'es donc pas juste encore ce qui dans ta s'en chronique. Vient. Qu'est-ce qui s'en vient dans quoi? Dans ta chronique, bâtard! J'ai le rhume du cerveau. Oui, hein? J'ai le rhume du cerveau. Qu'est-ce qui s'en vient dans ta chronique? Action, réaction, David! Qu'est-ce qui s'en vient? OK, dans le fond, on va parler... Comme d'habitude, ça va être trois chansons, trois merveilleuses chansons, puis on va parler notamment de Safia Nolin. Bon! Ah, oh boy, hein? C'était si difficile que ça? Oui. Safia Nolin, ça fait peur, ça? Non. C'est une blague. Oh! Je retiens mes paroles. Ligne. Excuse-moi, c'est une blague. Mais non, mais t'es comme tous ceux sur Internet ben aujourd'hui. C'est ça, c'est juste une référence à ça. T'es vraiment une espèce de mononcle, Mathieu. J'ai honte de toi. Ouais, je m'excuse. Je ferai pas ma chronique, je boycotte. Non, tu m'as parlé, tu nous as donné un avant-goût, là. Fait que faut que tu restes à l'écoute. Hein? Ben, je suis pas obligé. Ouais, laisse faire. Fais ce que tu veux. On retourne donc David Ferroy la carte bleachée, mais avant ça, on écoute l'Info Campus. Voici maintenant l'Info Campus, présenté par le journal Zone Campus. Le service d'orientation du QTR invite les étudiants à prendre part aux activités lors de la Semaine québécoise de l'orientation du 6 au 12 novembre prochain. Parmi les activités, la chronique Radio C'est fou le 7 novembre à partir de 7h30, le kiosque d'information mercredi 9 novembre dès 10h au corridor du service aux étudiants et la conférence jeudi 10 novembre à 12h30 au local 3603 du pavillon de la chiropratique. Également, un concours est organisé sur la page Facebook du service aux étudiants. Vous courez la chance de gagner 250$. L'UQTR organise sa journée porte ouverte le 5 novembre 2016 entre 11h et 16h. Des kiosques et conférences sont au programme. Il est également possible de visiter le campus, les résidences, le centre de l'activité physique et sportive, les laboratoires et bien plus encore. Du 7 au 11 novembre, c'est la semaine de la santé par l'activité physique organisée par l'exercice Un médicament, section Trois-Rivières. À chaque jour, entre midi et 13h, une conférence est offerte par une personne experte dans le domaine de la santé. L'activité se déroule le lundi, mercredi et vendredi au local 4839 du pavillon de la santé et mardi et jeudi au local US009 du pavillon de la médecine. L'activité est gratuite, collation et prix de présence sont offerts. Le Centre d'études interdisciplinaires sur le développement de l'enfant et la famille vous invite à la conférence offerte par la doctorante Josiane Leclerc le 14 novembre au local 3023, pavillon Michel Sarrazin de l'UQTR. Madame Leclerc discutera de son projet visant à évaluer le niveau de reconnaissance des actes de délit et à dresser un portrait psychologique des auteurs d'agressions sexuelles. L'activité est gratuite et le repas est offert. Pour vous inscrire, il faut passer par Eventbrite et chercher place à la relève au CEI-DEF. La Fondation de l'Ordre des comptables agréés du Québec offre 40 bourses de 100$ au premier cycle universitaire et 5 bourses passeport monde CPA d'une valeur de 2000$. La date limite pour remettre le formulaire de demande est le 11 novembre à 16h. Pour soumettre votre candidature, visitez fondation.cpaquebec.ca et cliquez sur l'onglet « Bourses et prix ». C'était votre capsule Info Campus. Pour d'autres nouvelles, lisez Zone Campus et visitez zonecampus.ca. L'Info Campus est écrit par David Perron, le rédacteur en chef du journal sur le campus, lu par Tania Baudin. Et on joue ça deux fois par matin à Assemblage Requis, une fois sur l'heure du midi et une fois en soirée à 18h à partir de cette semaine. Donc quatre fois par jour pour ce petit montage de nouvelles. David Perron qui est avec nous. Ben bonjour, mais t'as oublié de dire que c'était toi au montage. C'est vrai que c'est moi au montage. C'est un travail d'équipe, en fait. Ouais, vrai teamwork. Là, oui, le vrai teamwork de C'est fou, ça se passe dans l'Info Campus. Ben oui, exactement. Et dans le... C'est des pubs. Oui, dans pas mal tout, le dîner des fois aussi. Quoi que là-dedans, je suis pas impliqué du tout. Là. Non. C'est vrai, on n'a même pas de publicité pour ta nouvelle émission. C'est vrai, il va falloir travailler là-dessus. Qu'il n'y aura même pas de diffusion demain parce que je pourrais pas l'animer. Et ça commence bien, il y en a juste deux, faites deux, genre. Oui, deux. Ça va pas bien. Et boy, il s'en laisse, il s'en permet. Mm-hmm. Et, ouais, je me prends pour une vedette. C'est ça. Donc, David Ferron, quand on t'a dit salut tantôt, ta réponse était... Un suspense. Pardon. Il a fallu qu'on te torde un petit peu le bras pour savoir ce qui s'en vient. Maintenant qu'on le sait, on peut embarquer dans ta chronique. Et voici tout de suite la carte bleachée. La carte bleachée avec David Ferron. Bonjour, David, officiellement. Ben bonjour. À l'intérieur de ta chronique. Oui. L'endroit où on se dit bonjour, toujours. Ben bonjour. Bonjour. Bonjour, ça va bien? Oui. Oui, quoi de neuf? Ça va bien. Le ciel est tout bleu aujourd'hui. Oui, exactement. Et il fait 30 degrés. Et voilà. Et le trafic est bien correct. C'était la chronique météo. Donc, David et Tania, aujourd'hui, ont un rhume. Les deux se l'ont transmis. Je crois que c'est David qui l'a transmis à Tania. Je suis sûr que c'est Tania. Ouais, je ne l'avais pas avant hier. Toi, je tiens à dire que ça faisait déjà un bon bout. C'est peut-être pas le même. Peut-être que tu vas me retransmettre un deuxième rhume. Ah, oui. J'espère bien, comme ça j'aurai ma revanche. Rancunière. Donc les deux animent de deux côtés opposés de la table pour essayer d'être le moins le moins proche possible. Et David, tu vas nous présenter une chronique musicale pour essayer de faire découvrir à Tania des choses, même si elle, même si tu lui as transmis ton rhume. Tu peux transmettre autre chose qu'un rhume. Oui. Aussi de la bonne musique, de la connaissance. Je vais essayer. Voilà. Aujourd'hui, j'ai le rhume, donc ça se peut que je sois un peu, je dirais, en état végétal. As-tu un rhume? On n'avait pas établi encore que tu avais un rhume, je pense. Ben voyons. C'est le scoop de l'année, le voyons. Scoop. Nouvelle information. Oui, parce que c'est encore plus gros que ça, Safia Nolin et sa déclaration à la disque. Oh boy, Safia Nolin. Tu veux qu'on en elle parle? Fait jaser, hein, le matin, hein? Oui. Ouais, parce que Jean jase dans ma chronique. Jean jase, nouvelle chronique, après Jean dit... Jean-Jean! Oui, exactement. C'est Jean qui a beaucoup de conversations et... non, ça serait pas une bonne idée. De faire une chronique que Jean jase, mais pour revenir à nos moutons, en fait, pour revenir à des gens, pour revenir à Safia Nolin, en fait, c'est pas tout à fait Safia Nolin, la vedette principale de la chanson que je vais vous présenter. C'est Corias. Oh, avec Safia Nolin? Ben oui, c'est deux amis, ça. Ah, oh, moi, je savais. Ben oui, oui, je l'ai vu capoter quand elle a gagné. Ben oui, en fait, ils se sont câlinés, ils se sont, en fait, entrelacés, mais amicalement, évidemment. Là, on partira pas d'autres rumeurs. Non. Hein. Donc, il y a déjà des enfants, lui, on se calme. Donc, les deux viennent de Limoilou, fait que peut-être qu'une solidarité... Ah, c'est ça. Mais ils ont Québec. Pas... C'est le hood de Limoilou. Ouais, exactement. Ils ont fait des crèmes ensemble. Hey, c'est déplacé. Excusez, est-ce que vous avez déjà été vous promener à Limoilou à Québec? Ben, c'est un très beau quartier. Ne vous promenez pas là après 11h le soir tout seul dans la rue. Hein? Encore? Ça le dit partout en passant. C'est pas devenu mieux, plus familial? Ça dépend t'es où dans Limoilou, là, okay. Mais il y a encore des crimes, de très gros crimes dans Limoilou. Ouais. Ouais. Tu lis trop le journal de Québec. Non, j'ai mon cousin qui vit là. Ah. Sa voisine s'est fait poignarder dans la rue comme ça, bing bang, à 11h le soir. Ben oui. Fréquemment. Pareil, on ne sait qui. Sa vie est un téléroman de Fabienne Larouche. Il est déménagé. Ouais. Il a déménagé. À Hochelaga? Non, on est à Québec. OK. Ouais. Bon. Limoilou, c'est Québec. Ouais, je le sais. Mais tu sais, pour dire que c'est deux quartiers à l'habitation. Revenons à notre sujet principal. C'est quoi déjà? Safia Nolin puis Corias. Corias, oui. Ah oui, c'est vrai, c'est dans ma chronique. Ouais. Ça va bien. On se parle facilement. Oui, trop. C'est une horreur, ma chronique. Non, pourquoi non, je... non. Mais non, mais non. Ça va très bien si on ramène ça sur le droit chemin. Exactement. Oui, donc on va revenir sur le droit chemin de Limoilou. Mm-hmm. Donc avec Corias et Safia Nolin, parce que Corias enregistre un album il y a 3 ans qui s'appelle Rue des Saules, et il enregistre une chanson qui s'appelle Américain. Et dans cette chanson-là, il y a la voix de Safia Nolin. Il y a 3 ans, on se rappelle que Safia Nolin, on la connaissait pas tant que ça. Non, c'est ça, on l'a vu en première partie des soirées cachées il y a 2 ans, puis on la connaissait pas du tout. C'est ça, là. Exactement. Les gens se demandaient « Qui? » Ça, c'était il y a 2 ans. Mais c'est un qui de satisfaction, parce qu'elle avait fait une belle surprise en ouverture de Gwenlyn en plus. C'est vrai, ça. Très bonne soirée, d'ailleurs. Oui. Parenthèse, avant qu'on continue, il y a une autre soirée cachée qui s'en vient, c'est après-demain. Jeudi soir, on va vous tenir au courant d'ici là. Hein? On peut lancer quelques noms. Je sais pas. On sait pas. On sait pas. Moi, j'ai aucune idée. Non. Tout, c'est ça. Ben, Krusty le clown, voyons. Ah, ben oui, un clown. C'est un sûr, clown. Il va avoir un clown en place. Tellement d'actualité. Sur la photo, sur la page Soirée cachée, il y a une photo avec la révélation aura lieu tel moment, je sais pas trop quoi. Puis à l'arrière-plan, t'as une photo du groupe qui va performer. Ah, oui. Mais est floutée. Oui. Fait que c'est comme un genre de jeu. On sait pas encore. En tout cas, on s'en reparlera d'ici là, c'est jeudi 3 novembre. Revenons à ce qu'on disait. Oui, donc la chanson Américain Corias featuring Safia Nolin. Mm-hmm. Donc cette chanson-là, en fait, ça fait partie du premier album de Corias qui est sorti il y a 3 ans, mais le clip en tant que tel est sorti l'année dernière, en fait, il y a 1 an et demi, le 24 avril 2015. Donc, il y a eu quasiment 1 an et demi entre la sortie de l'album et la sortie du clip. Particulier, oui. Puis, je sais pas si vous avez vu le film American Beauty. Non, je pense pas. Je me souviens plus trop, je pense que non. C'est le film avec Kevin Spacey où, ce qu'à un moment donné, il y a une fille qui est dans un bain avec plein de pétales de rose. Plein de pétales de rose, là, la scène classique de ce film-là. Mais justement, le clip américain, ça, c'est un remake du film American Beauty. Cool. OK. Puis non, ça vaut vraiment la peine. C'est vraiment... non, c'est une bonne toune. Sinon, j'aurais pas fait jouer, évidemment. Ben, évidemment. Oui, c'est sûr. Donc, la deuxième toune, On a réussi à présenter la première toune. Hey, c'est le fun. Je capote. C'est bien ça. Et il a pas commencé par la troisième mais en disant « mais avant », ouais. 3-4 fois. Non, mais ça va venir. Il y en a une troisième. Ouais. Donc, la deuxième toune, ça s'appelle... en fait, l'artiste est Suso. La pièce est Anusumana et ça fait partie de l'album Kera qui est sorti vendredi passé. Oh, t'es à jour. Ben oui, exactement. Et Suso, qui est-il? C'est l'alter ego du producteur et multi-instrumentiste. Je vais essayer de le dire comme il faut. Hugh Bennett. Mais c'est pas Hugh, c'est pas Hugh, c'est Hugh, H-U-W. Oh, c'est comme une drôle d'appellation, mais ouais, j'imagine que ça se prononce pareil comme Hugh. Ouais, donc Hugh Bennett, et lui, M. Bennett, lors d'un voyage en Gambie, eh bien, il a été inspiré par la musique des peuples, en fait, du peuple mandingue. Mm-hmm. Et mandingue, je tiens à dire que c'est pas juste une toune de Brigitte Bardot. Ah, oh. La mandingue. T'as de la culture, toi. On essaie. Donc, c'est en fait, justement, Bennett s'est inspiré de la culture des mandingues. Et justement, dans son album Kera, toutes les pièces de l'album, c'est des pièces originales qu'il a toutes composées. Et là-dedans, il inclut des instruments locaux comme le balafon, qui est une espèce de xylophone. Il y a également, je vais essayer de bien le dire, le, je ne sais pas si c'est une version francophone de ce nom-là, mais le Kutirinding. Kutirinding, qui est une sorte de djembé. Mm-hmm. Et Bennett, après ça, dans, parmi ces instruments-là, il a rajouté des sons électro, une petite touche électro avec des voix des gens habitant en Gambie aussi. Donc, ça donne un mélange très intéressant. C'est un peu trip-hop. Cool. Ce sera la deuxième pièce. Oui, la troisième pièce. Donc, c'est une collaboration entre Hamilton, Let Ozer et Rosdam. Et la pièce, elle s'appelle I'm... Non. La pièce, ça s'appelle In a Black Out de l'album I Had a Dream That You Were Mine. J'avais un rêve et c'était que tu étais à moi. Oui. C'est cute. Très mignon. Ben oui. Donc, qu'est-ce que c'est que cette collaboration-là? C'est la fusion de deux musiciens issus de deux groupes alternatifs. Le chanteur des Walken, c'est Let Hauser et l'ancien claviériste de Vampire Weekend, c'est Rostam. Mm. Donc, les deux font équipe, se sont connus en 2008 quand les deux jouaient ensemble sur la même scène dans leur groupe respectif, mais c'est seulement en 2014 qu'ils collaborent pour la première fois ensemble sur l'album solo de Let's Ozer. Deux ans plus tard, eh bien, bang, c'est sorti aussi vendredi, je suis tout ça à jour là-dedans, ben oui. Wow. Ben oui, donc l'album I Had a Dream That You Were Mine sort et on va entendre comme troisième chanson In a Blackout. Mais on commence avec Coriace. Mais avant, oui. Oui, mais avant. Voici featuring Safia Nolin, la pièce Américain. Assemblage requis dans la carte bleachée de David Ferron. Youpi! Amérique du Nord, terre de liberté, me choisis de rester dans ma grotte l'hiver pour hiberner. Des rayures rouges comme le sang des génocides, 50 étoiles, une pour chacun de nos vices. Des rayures blanches comme la neige qui recouvre les tombes. Mon empire va s'étendre jusqu'au bout du monde. Je prie le sauveur des hommes pour protéger mes proches, après que j'ai chargé mon gun puis que j'ai barré mes portes. C'est ça qui est important. Étudie pour avoir des bonnes notes puis sois pas insolent. Dès l'âge de 13 ans, je savais que je voulais devenir un comédien. J'étais un petit con qui connaît rien, j'ai drop avant d'être collégien. Alcool et drogue qui rentrent des veines, des soirées, j'en ai connu plein. La fille t'a connu bien, tu te protèges pas, tu te soucies pas de l'hygiène. Mais la cigogne, elle cogne, la fille s'imagine pas donner le sein. Elle avorte aussitôt qu'elle apprend qu'elle est en train de porter le tien. C'est là que tu tombes, pas un once, pas de diplôme, job de plomb. Story, mais t'es pas toujours gagnant quand tu récoltes le bronze. T'as envie de get ton hustle on le fire, ça prend 3 secondes. Le commis du coup, je t'enverrais fuck off si je sortais le tronc. Je me suis fait dire depuis que je suis jeune que l'argent c'est ça qui est important. Est-ce que tu veux ta vie tant que ton compte de banque est bien portant? Ma mère a fait son mieux, s'est sacrifiée jusqu'à la chair pour m'élever bien. Mais j'ai été élevé par le rêve américain.

La pièce In a Blackout de Hamilton, Let Hauser et de Rostam. Mm-hmm. La chanson qu'on a entendue en deuxième lieu pour variation. Il n'y a pas de mésavant. Donc, la chanson précédente, c'était la pièce Ansumana de Suso. Et la première chanson, c'est Corias avec Safia Nolin. Et là-dessus, on m'a donné une précision et je voudrais dédier la chanson américaine de Corias featuring Safia Nolin à Karina Tardy, qui est la coordonnatrice du volet mauricien de Écoute donc ça. Mmh. Et Karina, qui aime tellement Corias qu'on l'appelle Karina, c'est dorénavant. Oui, puis elle a amené une bonne précision parce qu'en fait, ça a l'air qu'il viendrait de Saint-Eustache, mais qui habite à Limoilou. C'est ça, mais c'est compliqué. Ouais, c'est ça, c'est différent. Parce que et Radio-Canada et quoi, la disque. Ben, en fait, qu'il vient de Limoilou, mais ça veut dire qu'il vient de là, ça veut pas dire qu'il est né là. Il n'est pas originaire de là, mais présentement est là. Donc, il représente. Ben oui. Bon. Merci, Karinas. Ben, c'est toujours important d'être précis dans la vie. Oui. Puis je vais le dire, puis ça va coller. Hein. Oui, puis pour la toune de Brigitte Bardot, je pense que je me suis trompé. Je pense que c'est la Mandrague. Tu dis donc bien n'importe quoi, dans ce cas. Oui, je le sais, je suis vraiment pas rigoureux. Mais en passant aussi, je tiens à dire que dans Zone Campus, dans le prochain volet, on abolit complètement les arts et spectacles. On abolit le poste de rédacteur en chef aussi, les gens écrivent n'importe quoi. Puis l'infographiste aussi. Hey, merci, ça c'est moi ça. David Ferron, pour ta chronique La Carte Beachée, nous te remercions. Ben, ça fait plaisir. De tes fonctions. Et on se retrouve la semaine prochaine pour une chronique Zone Campus dans cette case horaire. Ouais, où il n'y aura pas d'art. Voilà, et ouf. Ben, ça sert à rien, les arts. Et on se lit dans Zone Campus. C'est agressif, son appareil, le matin. C'est pas vrai. Ben non, c'est pas vrai. C'est super important. Les gens vont penser là, que tu changes tout là, en tant que rédacteur en chef. Calme-toi. Non, mais c'est parce que... Oui. Merci, David Ferrand. Bye! Écrime, ça finit aussi bien que ça commence? Ouais. Dis même pas bye, il fait juste ça. C'est comme ça. David Ferrand, ce phénomène. C'est du grand David. Mais on le remercie. Au retour de la pause, Marie-Christine Perra et sa chronique Gratin et vin gratuit. Pendant que David... placote, là, alors que le micro est ouvert, tu sais. Zone Campus, quoi. Ah, c'est fun. Je crois que ça existe. Pour la vie culturelle, en Mauricie. Ah, des gens qui les âmes perdues. Hein? Non, c'est... Bref, on faisait de l'interprétation. David a dit que son âme était perdue, hein, c'est ça, j'ai compris. Restez là. Les conventions de la radio. Exactement. À sondage le qui. Aujourd'hui, assemblage de qui? Vous êtes assez tard pour l'écouter. Pour l'écouter. 89.1. Assemblage de qui? Vous êtes toujours à Sondage Rocky. On se mardi 1er novembre 2016 de Tania Bonnet. Et Mathieu Blanc. Hein? Ah ben, Giguère. Ouais, c'est ça, je faisais ma voix dans les gorges profondes. Bref, maintenant c'est le moment de recevoir Marie-Christine Perra pour parler d'art et spectacle. Même si David Ferron a dit qu'il mettait la hache là-dedans, c'était des blagues, nous dit-il, pour ceux qui n'avaient pas compris sa grande subtilité humoristique. Hein, David Ferron. Voici Marie-Christine Perra et gratin et vin gratuit. Raisin en grappe, fromage brie, des galeries d'art, elle se nourrit d'art d'œuvre, de photographie, d'art visuel en trifluvie. Voici gratin et vin gratuit. Ah, à chaque fois, on aime ça. J'adore, ça met un gros sourire béat. Que sur le c'est visage. Charmant, oui. Ouais. Marie-Christine Perra, bonjour. Oui, ben, bonjour à vous deux. Ça fait quoi, un mois encore qu'on continue? Oui, c'est ça. J'ai sauté une semaine parce qu'il faut que je sois plus réaliste la prochaine fois qu'il y a le théâtre de Minot. Ça me prend quand même quelques jours pour m'en remettre. Puis, ben, j'avais pas été voir d'exposition. Puis, j'étais comme une loque. Une loque humaine. j'ai calé malade. Oui. Bon. Ça arrive. Mais oui, puis là, j'ai une voix quand même un peu d'outre-tombe parce que... Je pense que ça ne va pas la mienne présentement. Non, mais je pense qu'il y a comme une espèce de grippe rhume là, qui... qui court. Oui, c'est ça. Ça doit être plus un rhume. Ben, court, elle rampe, je pense. Ouais. Parce qu'elle n'est pas faite forte à ce moment-là. J'avais de la toux cette nuit. Fait que là, j'ai dormi comme assis un peu, fait que ça allait mieux. Mais ça dort moins bien, mais je toussais moins. Fait qu'à la place de gratin et vin gratuit, ça va être gratin et Robbie Toussaint. Oui, je pense que oui. Quoique le vin, des fois, ça ramollit. Fait que c'est bon. C'est parfait, ça aussi. Oui, puis ça, je vais commencer rapidement en vous annonçant qu'il y a un PICOM, hein, qui est un projet d'intervention communautaire, qui doit ressembler à ça, qui est en partenariat avec la Galerie R3. Puis c'est les quatre étudiants qui sont Lucas Blais-Gamache, Ève Roy, Marie-Ève Arpin, Catherine Archambault. Qui sont associés avec ton amie Lorraine Beaulieu. Rainbow. Oui. Je la verrai après. Lorraine Beaulieu. Lorraine Beaulieu. Fait que voilà. Donc, eux, ils sont affairés à promouvoir la galerie, à archiver les expositions qui ont lieu là. Et ils organisent des mercredis midi galerie. Donc, vous êtes invités de 11h30 à 1h à vous présenter là. Pas besoin d'amener de lunch, ça dure le temps que vous voulez. Il y a tout le temps un étudiant qui est sur place, répondre à vos questions pour visiter l'exposition qui est là, pour parler des arts en général. Donc, c'est une manière d'inviter le plus de monde possible à venir s'initier dans cette belle galerie qui est quand même assez neuve. Donc, qui vaut le détour, le déplacement. Et puis là, ben, c'est en ce moment, à partir de demain, en fait, c'est Marcel Jean qui va être là, vernissage demain à 5h. Je vais mercredi être là. Mercredi 2 novembre. Oui, demain mercredi, vernissage, puis demain mercredi, midi heure. Donc, je vous invite à aller voir ça. Voilà, donc, si mon message est fait. Oui. Tu dis pas besoin d'amener de lunch, parce qu'il y a du lunch là-bas? Non. très bonne question, Tania. Moi, c'est ce que je pensais. Ah, non, c'est en voulant dire que ça dure pas l'heure et demie. Ah, vous pouvez, ben, vous pouvez l'amener si vous voulez. Mais je veux dire, c'est pas. Ça veut dire manger avant ou après. Ouais, c'est une galerie d'art quand même. Là, tu manges pas ta poutine à côté, ça. Ben non. Ben, ça peut être performatif. Ça peut être du gratin différent. Ouais, c'est une autre forme de gratin. Mais non, c'est ça. Non, il y aura rien à manger parce qu'il n'y a pas d'argent en or, fait qu'il n'y a pas d'argent pour vous nourrir. Et voilà. Mais vous pouvez l'amener, votre lunch, si vous voulez. Mais sans, vous pouvez rester 5 minutes, une demi-heure. Là, c'est pas, il n'y a pas une animation en continu. C'est vraiment, il y a un étudiant qui est là, une espèce de guide du mercredi midi. Ça va? Oui. Parfait. Puis il y aura un événement bénéfice aussi pour la galerie en début décembre. Je vous en reparlerai à ce moment. Bien sûr. Car je n'ai pas les détails. Encore. Donc, je suis allée voir, moi, 2 expositions. Je me suis rattrapée quand même. J'ai été voir la première à Presse-Papier, qui est sur la rue Saint-Antoine. Je ne sais pas si vous êtes déjà allé, Mathieu. Pas eu la chance encore. Je me le demande, peut-être, oui. Ah, peut-être. C'est tout petit, tout petit, tout petit. C'est un espace de diffusion qui est attenant à un atelier de sérigraphie puis de graveux. Tania, elle connaît ça. J'avais été avec le collège. Tu vois? Bon. Puis c'est plein d'anciens étudiants de l'université qui ont participé. Puis c'est plein d'anciens étudiants plus nouveaux qui sont aussi membres de l'atelier. Donc c'est puis l'estampe à Trois-Rivières, c'est quand même ça accroche. Ouais. Fait que c'est une belle place, ça, vraiment. Puis d'ailleurs, il y a Valérie Morissette, qui est une ancienne étudiante ici, qui est aussi sur le dans les autobus. Okay. Ah, c'est elle, ça, c'est beau. Oui, c'est sur le circuit numéro 11. Mm-hmm. Un des 2 autobus, parce qu'il y en a 2 qui le font. Il faut que tu sois chanceux de tomber sur le bon. Puis, donc, c'est ça, elle prend la place de la pub. Je trouve ça vraiment génial de pas être agressé par la publicité. C'est très fun. Ce qui m'a surpris, c'est que j'ai pris d'autres autobus fréquemment qui n'ont pas de publicité du tout. C'est vrai? Donc, je me demande comment ça se fait. Est-ce qu'ils réussissent pas à les vendre ou quoi? Impossible, c'est difficile. Ouais, mais là, on vendre s'entend que c'est pas du journal puis la radio, ça, là, c'est un autobus. Ouais, mais tu sais, c'est pas très achalandé, je te dirais. Moi, pour l'avoir pris quelques fois, le bus, j'étais pas mal tout le temps tout seul dedans. C'est parce que le service est rendu la grosse part. Ouais. T'sais, disons que moi qui viens de la rive sud de Montréal, qui a été au cégep à Montréal, je te dirais que les bus, pour moi, c'est quelque chose de très, très dense. T'es habitué à de l'efficacité, genre? Ce qu'on n'a pas nécessairement ici. Peut-être, mais c'est pas super aux demi-heure. C'est plus que. Non, c'est aux demi-heure, mais avec beaucoup de retard. Ouais, ah, bon. Vraiment. Pas le fun du tout. En tout cas, fait que si vous voulez les vous apaiser. Sont parcours oui, sont longs. Vrai. 25 c'est minutes vrai. En 2 places qui sont à genre. Mais, l'équivalent en non, marche, non, c'est vrai. Ouais. Vous avez raison. Tout à fait. Ouais, bon, bref. Mais en tout cas, si vous prenez le circuit numéro 11, ben, vous pouvez vous apaiser avec les œuvres de Valérie Morissette, qui fait toujours des lignes fines. C'est toujours doux, c'est assez harmonieux. Ouais. Elle travaille sur la mémoire, sur le temps qui passe. C'est la Ingrid Saint-Pierre de l'art visuel. Ah, là, écoute, peut-être, là. C'est ça, puis elle travaille sur la mémoire, sur le temps, les souvenirs. Puis là, vu qu'on est comme en mouvement dans l'autobus, mais c'est comme si ça va avec le temps qui passe. Je trouve ça très beau. Oui, puis ça t'enlève le mal des mouvements de regarder quelque chose de fixe dans l'autobus. Ah, ça se peut, Mathieu, je sais pas. Fait que c'est ça, puis ceux qui prennent pas le bus, ben il y en a aussi cette année, ils en ont mis à l'extérieur aussi. Ça, c'est une très à l'extérieur bonne du bus, puis il y en a au terminus aussi, sur un abribus. Ouais. On les voit peut-être moins bien, mais ça fonctionne aussi parce qu'encore là, on est dans le thème du souvenir. Fait que c'est flou, c'est un peu transparent. Fait que ça fonctionne, c'est très beau. Ouais, j'aime l'effet que ça donne, c'est un petit peu, ça dépasse le cadre de la publicité, donc ça va vraiment sur les fenêtres, oui, du vinyle ça, dessus, exactement. C'est vraiment bien. Ouais, ouais. Fait que toi, t'as vu ça, toi. Ben oui, là, je les ai dans le campus, moi. Ah, OK, c'est vrai, tu le montes aussi. Mais je l'ai aussi vu dans la vraie vie. Fait que c'est ça, mais c'est pas du tout de ça que je voulais parler, mais j'en ai parlé pareil. Donc, à Presse-Papier, ce qui est exposé, c'est un duo montréalais qui s'appelle Warcore. Tu connais ça? Non. Ça sonne un peu hardcore, mais c'est pas ça. En fait, c'est deux anciens graffiteurs. Des gens qui font du graffiti, là. C'est ça. Merci. Graffitiste? Je sais pas, graffiteur ou... Je pense que c'est une question à poser à Google. Donc, ils faisaient de l'art de rue illicite, hein? Ouais. Puis, donc, leur nom de tag, c'était OR, puis l'autre, c'était Core. OR comme... H-O-A-R. OK. OR. Puis l'autre, c'est Core. Fait que là, ils ont fusionné leurs deux noms de tag. C'est intelligent. Puis, c'est ça. Puis, ça me faisait penser, moi, graffiti. Avez-vous écouté ça, vous, dans le temps, à Télé-Québec? L'émission Graffiti avec Louise Portal. Ah, oh boy! Tu sais, c'était des analphabètes, là. Oui. T'en souviens-tu de ça? Bon. OK, juste comme ça. Ça me faisait penser à ça. Moi, ça m'a vraiment marqué, cette série-là. C'est graffitiste. Ah, graffitiste. Bon, j'aurais dû me renseigner parce que j'ai écrit un article là-dessus puis je cuisinais tout le temps pour les appeler le prochain de numéro, manière. OK. Ouais. T'as évité le mot complètement? T'as juste écrit autrement? C'est ça. Wow. Mais c'est correct, des fois, la définition est peut-être meilleure que le mot ça. Lui-même. Ouais. En tout cas, on ose espérer. Fait que ces deux hommes-là, en fait, se sont connus dans une cuisine de resto. C'est des super travailleurs de jour dans les cuisines. Puis après ça, ils font de l'art entre deux tranches de steak, mettons. Okay. Puis donc, c'est des workaholics, mais quasiment, tu sais. Des whoreholics. Non. Là, je sais plus, là. Ça m'a fait. OK, des hardcore leaks. Ah! Mon Dieu, merci. C'est le fun. Puis eux autres, tu sais, ils travaillent beaucoup les choses de grande envergure à l'extérieur, à l'intérieur, les grandes murales. Mais pour l'exposition à presse-papier, qui est un endroit très exigu, là, ben ils se sont adaptés au format. Mais c'est vraiment une exposition qui fonctionne. Là. Ah oui, puis je vais vous nommer les noms de ces deux gars-là. Hein. Clarence Quirion-Nolin puis Sean Davis. Est-ce que ce sont les deux mêmes qui sont utilisés souvent dans la ville de Montréal pour faire des graffitis? Ça se pourrait. Oui, probablement. Puis si tu vas sur leur Instagram, là, ouais. Puis leur page Facebook, il y a des photos. Puis il y en a au Foufoune électrique, puis il y en a un peu partout. Je pense que ça se pourrait. Puis ils signent souvent... H-R-K-R. C'est ça, parce que c'est les consonnes de leur nom. Mm-hmm. Fait que oui, probablement que c'est eux. Ils ont des très belles murales ouais, dans Montréal. Vraiment, là. Ils sont très, très bons. Puis là, pour cette exposition-ci, bien évidemment, c'est un endroit qui... c'est un atelier de sérigraphie puis de gravure, donc d'estampes. Donc, ils ont utilisé l'estampe aussi. Ils ont fait 4 sérigraphies. Qui sont encadrés sur un mur. Puis, ils ont fait aussi, ils ont sérigraphié directement sur le mur un paquet de fourmis, mais quand même, je te dirais, d'un décimètre de longueur, là. Ils sont surdimensionnés, les fourmis. Puis ça, bien, c'était pour les représenter, eux, qui sont de grands travailleurs et aussi qui font des choses de très grande envergure. Puis, il y a certaines fourmilières, si on regarde en dessous, là, ça peut être aussi grand qu'un terrain de football. Ah oui. Fait qu'ils se sont dit que c'était un animal, un insecte qui le représentait bien. C'est un animal aussi, un insecte. Sûrement, ça fait partie de l'animalité, j'imagine. Oui. Donc, c'est ça. Puis les sérigraphies, ça fait un petit peu BD, un peu publicité années 50. Ah, wow! Ouais, c'est très beau, c'est ça. Très bien. T'aimes ça, toi, c'est dans c'est tes goûts. C'est mon genre, oui. Bon, fait que tu iras sur la rue Saint-Antoine, okay. Au centre de diffusion de presse-papier. Puis c'est ça, il y a bien des fourmis, il y a des tamanoirs aussi. Là, j'ai pas trop compris pourquoi le tamanoir, il est là. Comme sur le bord des mangers. En tout cas, puis il disait aussi... Tamanoir, c'est l'espèce avec une trompe, là, genre qui mange des fourmis. Oui, un fourmilier. Oui, ouais. C'est ça, exactement. Puis c'est ça, il disait aussi que les fourmis sont comme... Tu sais, sont pas voulues, là. On les chasse toujours. Mm-hmm. Fait que c'est un peu comme aussi des relents de l'art illicite. T'sais. C'est comme si on essaie de les repousser, puis tout ça. Ah. Et aussi, ils ont fait... je vais voir si tu as fait tes devoirs, Mathieu Plante. C'est clair, non? Ils présentent aussi une anamorphose. Anamorphose, OK. Je pense que j'en ai déjà parlé en oui. plus. Oui, ça a rapport avec... pas l'anthropomorphie, ni l'anamorphie, non. C'est vrai que ça ressemble un peu à ça. Ouais, non? Anamorphie. Qu'est-ce que ça pourrait... Attends. L'anamorphose, hein? Y en a-tu une qui Google, là? Est-ce que ça a rapport avec les membres? Les membres? Membres, non. Bras, genre, pas du tout. Ça n'a pas rapport avec l'humain. Wow. Mm-hmm. Non. Bon, on voit que tu t'es pas renseigné avant, mais bon. Donc, c'est une anamorphose, c'est que ça prend un point précis dans la salle pour pouvoir voir l'œuvre totalement. Fait que là, c'est avec un projecteur, on va projeter une image, puis on va aller peindre. Tu sais, on va aller peindre où ça va, où l'image elle est projetée, mais il peut en avoir sur les poutres, sur les murs, sur le plafond. Puis quand tu te mets exactement où était le projecteur, ben là, tu vois l'ensemble du dessin. Oui. Mais dès que tu tourne un petit peu, ben ça se distorsionne un peu, exactement. Donc, c'est ça l'anamorphose. Puis, c'est une technique, en fait, qu'on utilise. Mais là, il y en a qui font juste des carrés de couleurs dans l'espace, puis tout ça. Mais eux, ils ont représenté un tamanoir qui est dans une espèce d'étoile à 8 branches, qui fait peut-être comme une espèce d'explosion, puis dans une cible. Mais là, quand tu t'approches de cette anamorphose-là, ben tu vois qu'il y a toutes sortes d'objets du quotidien. Il y a une aiguine, il y a une sciotte. Fait que là, ça représente leur côté manuel. Puis là, il y a des cadres aussi. Tu sais, je me dis, ça doit être parce que là, maintenant, ils assument d'exposer à l'intérieur dans un cadre plus légal. Puis là, il y a un globe terrestre. Il y a des canettes aussi, parce que dû à leur passé de canetteur. De canetteur. Oui. Puis il y a un chat. Puis il m'a dit que l'image du chat revenait souvent. Ah, OK. Je vais encore plus aimer ça. Oui. C'est parce qu'il trippe ses chats? Écoute, je pourrais, là, j'ai pas poussé plus loin. Tu sais, il faut laisser un petit peu de mystère quand même dans tout ça. Fait que c'est ça, c'est vraiment, c'est une belle exposition, là, tu sais, avec l'anamorphose qui est comme la grosse pièce maîtresse. Puis là, il y a le lien avec les fourmis qui sont sérigraphiées sur le mur. Puis après ça, il y a les quatre sérigraphies. Fait que ça demeure quand même sobre. Puis c'est parfait parce que c'est vraiment petit, cet espace-là. Il fait chaud rapidement. L'atelier presse-papier. Exactement. Fait que voilà, c'est pas de quoi qu'ils jettent à terre, mais c'est comme ça coule bien. Oui. Tu sais, fait que voilà, allez-y. Super. Que j'ai dit aussi. Ah oui, c'est un peu amusant. Parce que, tu sais, l'anamorphose, c'est comme un jeu. Oui. Oh, yeah. Oui. Bon, fait que là, maintenant, j'ai assez parlé, hein, je parle beaucoup. Fait qu'on va aller écouter une chanson, Mathieu. Ça te tente-tu? Absolument. La Llorona. Oui, qui va nous parler de Frida Kahlo. Donc, bon. Je vous mets en haleine. En contexte. Dans Gratin et Vin gratuit. Avec Marie-Christine Perrin. Porque me muero de frío. la luna es una mujer llorona y por eso el sol de España. La luna es una mujer llorona y por eso el sol de España. Anda que bebe los montes llorona porque la luna lo engaña. Anda que bebe los montes llorona porque la luna la engaña. Ay, de mi llorona, llorona, llorona de un campo lirio. Ay, de mi llorona, llorona, llorona de un campo lirio. El que no sabe de amores, llorona, no sabe lo que es martirio. El que no sabe de amores, llorona, no sabe lo que es martirio. Soñaba dormida, llorona, dormida, te estabas quieta. Yo te soñaba dormida, llorona, dormida, te estabas quieta. Pero la llorona. Une version allégée de Enrique. C'est la pleureuse, la légende de la pleureuse. Mais c'est super beau, mais c'était un petit peu long, je trouvais. Puis là, 8 minutes. Ouais, mais c'est sais-tu ce que j'ai trouvé pour remplacer ça? Il n'y a pas grand-chose à voir sur ça, sur YouTube. Là. Mais t'as quand même, attention, t'as ça ici. Tiens-moi, Eric. Un klaxon aussi. Non, un klaxon aussi. Ça, on l'entend bien. Mais j'entends pas, moi, Mathieu. Qu'est-ce que tu vas faire? Attends. Quelle sorte d'avenir que tu te prépares? Je vais faire de la mécanique. Puis j'ai pas besoin de grand-mère pour apprendre ça. Mais je m'en fiche, tu vas y aller pareil. Graffiti. Un téléroman qui n'a pas peur des mots. Oh, wow. Graffiti. Dès le 10 janvier. Radio-Québec. Radio-Québec. C'était Radio-Québec en plus. L'autre télé. Oh, Mathieu, merci beaucoup. Tu m'as fait voyager dans mon enfance. Je pense que je vais pleurer. Qualité de... Ouais. Bref, la lampe qui joue derrière nous n'est pas notre faute. Ouais, on tient à préciser, il y a des livraisons qui se font à côté de nos studios. Puis, c'est ça. Je sais pas si on entend. Ah, pas tant. Non, le fond, non. Le fond masque pas mal tout. Bon, ben, je vais parler plus fort. Ouais. Mais bref, la qualité de ta chronique à toi est meilleure que la lampe derrière et la publicité de Graffiti à Radio-Québec. Ah, ben, elle vient de l'éteindre. Ben, je te remercie beaucoup, Mathieu, mais je sais pas si la barre est si haute que ça. Ben, mais en oui, tout cas, ben oui. Okay. Mais quand même, Louise Portal avait gagné un Gémeaux pour meilleure actrice. Oh, Louise Portal. Oh, oui, monsieur. France Castel et Louise Portal, je les ai toujours mélangés. Oui, pourtant... Portal Castle. Ben, c'est parce qu'ils ont comme deux castings de cochons. Oui. C'est vrai. Oui, mais sinon, elle ne ressemble pas à une blonde, une noire. Puis... T'as raison. Bon, en tout cas, donc je voulais vous amener à mon super endroit vegan préféré à Trois-Rivières, donc le Café Frida. Ben oui. Entre deux toasts, entre deux toasts à l'avocat vegan bourré de beurre, bien, je suis allée voir une exposition de Simon Murphy Gauthier, qu'on appelle aussi Simonac, qui a fait la murale dans la chasse-galerie. Qui était illustrateur au... pas illustrateur... Phraseur. Son petit proverbe. Oui, c'est ça, exactement. Campus, oui, c'est vrai, t'as raison. Qui est un ancien étudiant ici, un ancien étudiant de l'UQAM aussi. Donc, un gars assez revendicateur puis engagé. Puis d'ailleurs, c'est lui qui m'a dit ça, je m'en souvenais pas, mais j'ai qualifié son art de ludico-engagé. Ah, c'est puis ça bien. Lui va très bien. Ouais. C'est vraiment ça, finalement. Je te dis que moi, j'en trouve des beaux mots. Oui. Mais c'est ça, il y a 8 tableaux qui sont présentés là, dont 7 qui sont vraiment nouveaux, mais il y en a un qui fait comme le suivre un peu dans toutes ses expositions. Là, je sais pas, c'est comme sa mascotte, non? Ah, OK. Puis donc, il a pris... Il a pris des sérigraphies qu'il avait déjà fait ou des dessins qu'il a découpés puis qu'il est venu coller sur un fond de peinture. Parce que lui, c'est un peintre pas mal plus à la base, mais là, il a le goût d'aller vers le dessin puis vers la poésie, vers l'utilisation des mots. On voit que Simon, là, il pogne vraiment une dose de maturité, là. Puis ça lui va bien, je trouve. Son exposition, là, c'est vraiment réussi. C'est simple au bout, là. C'est quand même des petits formats, bien, moyens formats. Puis lui, il met bien du bling-bling. Il appelle okay. ça comme ça. Il va mettre du brillant, puis des paillettes, puis tout ça. Puis il utilise le rose fluo. Puis vraiment, c'est un peu sous forme de dérision, mais en même temps, ça vient, tu sais, comme atténuer un peu, des fois, ses propos qui peuvent être plus... voyons, j'ai craché dans le micro. Ben voyons. Je m'en rendais pas compte. Je regardais Tania, puis je mangeais le micro. Bon, fait que c'est ça, parce qu'il y a des propos, des fois, qui sont peut-être plus politisés. Oui. Malgré que des fois, c'est un peu subtil, là. Mais là, il fait hommage à certains personnages historiques, culturels et politiques, dont Frida Kahlo, parce qu'il s'est dit « j'expose au Frida, fait, moi avec Frida ». Puis en plus de ça, j'étais allée le voir samedi, puis il était au Frida, déguisé en Frida, devant la toile de Frida. Aïe, aïe. Fait Inception! Il capotait. Ouais, c'est ça. Puis c'est ça, il aime ça, là, se travestir ces temps-ci. Puis, tu sais, il y a un petit penchant quand même pour la performance. Puis, il trouve que les habits de femmes, c'est toujours plus coloré. Fait que ouais. Ça lui permet d'aller expérimenter puis d'exploiter la couleur. Tu vois? Fait que ça, c'est notre Simon excentrique particulier. Local. Ouais, c'est ça. Donc, il va faire référence dans cette exposition-ci, bon, à Frida Kahlo, mais à Papineau, à Marc Favreau, le sol. Mm-hmm. Vous souvenez de Marc Favreau? C'est le troisième Marc Favreau que dans la vie, c'est. Il y en a plein d'autres, des Marc Favreau. Mais c'est vrai? C'est le gars qui jouait le sol, c'est. Oui, mais les marques le plus, c'est Marc Gagnon. Ah, tu trouves pas? Je sais pas. Il y en a un dans l'Anse-et-Comte, il y en a un qui patine. Moi, j'en connaissais un. Toi, tu en connais un, c'est sûr. J'en connais même un autre, tu vois. Fait que toi aussi, t'en connais un, je suis sûr. Bon, voilà. Fait que, on a fait le tour. Mon étude est scientifique. Donc, c'est ça, il va faire hommage à ces personnes-là, puis même à Jésus, qui va être en bobette rose fluo. Ben oui. Oh, nice. Ben oui, pourquoi pas. Puis il va utiliser le mot aussi. Il va faire des jeux de mots. Mettons, la toile de Frida, c'est Freed as a bird. Ah, wow. Oh. Mais c'est ça qu'il faisait dans son campus. Les phrases avaient tout un petit jeu de mots dedans. C'est exactement. Cute. Ouais, ben là, il travaille aussi sur un recueil de poèmes qui est comment qu'il m'a dit ça? Donc, sans images de Simonac, quelque chose comme ça. En tout cas, c'est une phrase accompagnée d'une image. Ah ouais. Et il aime dire sa phrase fétiche que je l'ai entendu dire souvent, c'est d'une simplicité désarmante. Oh! C'est ce qu'il fait, d'une simplicité désarmante. Ah, bon, ben pourquoi j'ai pas? J'ai toujours retenu ça. Pourquoi pas? Ben, je vais l'ajouter à mon vocabulaire de critique d'art. Voilà. Voilà. Et aussi, il fait un hommage à Falardeau, à Vladimir Poutine. Ça, c'est des anciennes sérigraphies qu'il avait fait. Mais là, c'est plus subtil parce que, tu sais, c'est un pot de yogourt liberté avec un point qui sort. Fait que, tu sais, comme la liberté n'est pas une marque de yogourt, n'est pas qu'une marque de yogourt. Puis Vladimir Poutine, ben, c'est un bol de poutine, donc de gratin, wow. Avec écrit dessus Vladimir. Tu vois? Pire, ça. Puis il y a aussi un petit hommage à Bono, mais lui, là, il faut le savoir parce que c'est Bloody Sunday. Mais c'est Sunday comme un Sunday qu'on mange, mais il est bloody parce qu'il a reçu des balles de fusil puis il dégouline de sang rose fluo. Puis parce que ça fait référence à... Il y a eu un dimanche sanglant en Irlande. C'était des manifestants pacifiques, puis il y a des Anglais qui ont décidé de les tirer. Puis il y en a pas mal de morts, genre 27, je pense. Fait que c'est ça, donc, il fait référence à ça. Fait qu'on voit qu'il y a toujours un petit côté quand même engagé, mais qui peut être plus subtil à certains moments. Mais c'est toujours dans un ludisme très agréable parce qu'il met beaucoup de couleurs, puis il fait du dripping, là, puis il fait du dripping de bling-bling, puis tout ça. Fait que, tu sais, c'est coloré, puis ça devient flamboyant, finalement, ces images. Fait que, écoute, on va sauter un petit bout, là, parce que moi, je parle trop, là. Ben ça, je l'ai dit. Je pense que j'ai fait le tour quand même. Mais je trouve que c'est ça, Simon, il a vraiment eu une petite dose de maturité, là, puis ça, ça lui fait du bien. Les compositions de ses toiles sont, sont vraiment bien faites, c'est super harmonieux, ça fonctionne au bout. Puis les couleurs, tu sais, il en met pas trop, il n'y a pas une accumulation sans cesse de couleurs, mais tu sais, il fait son, son dripping, il va utiliser peut-être 2-3 couleurs par toile, puis ça marche au bout. Là. Vraiment, Simon, je te félicite. Puis c'est ça, les sérigraphies, les dessins sont noirs et blancs, puis ils viennent sur le fond qui est coloré, fait que ça fait un contraste, puis ça fonctionne très bien. Puis Simon, il m'a dit qu'il était adrénalinomane, fait qu'il a fait genre 6 toiles une semaine avant l'exposition. Okay. Fait que c'est ça, hein, Simon qui est toujours excentrique dans sa candeur. Hein. Puis c'est ça, donc c'est, ça vaut le coup d'œil, faut aller voir ça. Puis c'est comme si Simon glissait du trash vers l'extravagant intelligent. Extravagant. Pardon? Extravagant? Extravagant? Non. Non. Je ne sais pas, je comprends pas. Je vais peut-être comprendre tantôt, parce que des fois, ça me fait ça. Hein? Je rentre chez moi et je ris tout seul. Exactement. Fait que, ben, c'est ça. Hein? Allez-y au, voir le ludico engagé Simon Murphy Gauthier au Super Café Frida, entre un bagel vegan et un café latte au soya. Ah, ça a l'air bon. Comme on dit, excuse-moi Mathieu, vas-y. Pour citer un homme d'exception de la Mauricie qui m'écrit des jingles, on dit sans goût, sans gras, sans sucre, sans pièce. C'est très bon. C'est d'une simplicité désarmante. Et voilà. Marie-Christine Perra, merci beaucoup. On te retrouve quand ça t'adonnera. Advienne, comme je dis, advienne que pourra, quand tu auras Advienne que Perra. Advienne. Oh! C'est d'une simplicité désarmante. Je t'ai eu, hein? Advienne que Perra. C'est fort, ça. Je pense que tu viens de faire le titre de l'épisode. Merci. Ouais, ça me fait plaisir. À dans 2 semaines, en théorie. Et en pratique, on verra. Ça devrait. Ouais. Non, on va terminer l'émission ici, un petit peu en retard à peine. C'est pas mais grave. Si on la voit tellement pas souvent, Marie-Christine, il faut bien en profiter quand t'es là, quand même. Merci aussi à David Ferron qui a fait sa chronique La carte bleachée aujourd'hui. Demain, on va être mercredi et on aura Sébastien Guertin à 7h30 pour sa chronique Bulletin Guertin. Puis à 8h30, la chronique Dans les coulisses de la lutte avec Gabriel Béhoud. Voilà, c'est demain entre 6h30 et 9h30. Sur nos ondes, plus tard aujourd'hui, en fait dans une vingtaine de minutes ou moins, ce sera la rediffusion du Mathieu Plante Show. Ensuite, à midi, rediff de Rock de Neuron. À 14h, Tania et moi serons de retour pour les paparazzi assez fous. Il y a comme 8-9 nouvelles entrées aujourd'hui. Ça va être fun. À 19h, réanimation, émission de métal et d'horreur. Sif.ca pour la prévention complète. Assemblagerequis.com pour les notes de l'émission, les balados, diffusion. Prends soin de toi, Tania Baudin. Hein? Ben oui, inquiète-toi pas. Tu te vois, hein? Ouais, je sais. Bon café, tu dis, je pense? C'est bon café. La phrase, d'habitude? Ça va en prendre beaucoup aujourd'hui. La phrase d'une simplicité désarmante. Exactement. Bonne journée. Rien de moins qu'un café. À demain. À demain. Bon café. C'est bon quoi, déjà, ta phrase que tu dis tout le temps? Bon café. Ah oui, c'est ça, bon café.